novembre 2021. Donc, bonjour aux gens qui nous écoutent. Comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie de Berthold que vous pouvez voir à l'écran. Ici David au micro. Ça va être une discussion en conscience pour aujourd'hui. J'ai l'intention d'aborder avec Berthold des enjeux actuels. Au mois d'octobre dernier, j'avais amené à commenter là, notamment là, certains sujets qui avaient été abordés en entrevue entre Bernard de Montréal, qui a initié au Québec le mouvement de la conscience supramentale, et Richard Glenn, comme le triangle des Bermudes, entre autres. Alors qu'aujourd'hui, je veux explorer avec lui en conscience des sujets qui sont contemporains. Avant de débuter à proprement dit, tout d'abord, Berthold, je te salue, ça va bien? Oui. Excellent. Pour les gens qui nous écoutent, je veux leur mentionner que Berthold a une chaîne de diffusion sur YouTube où il produit de nombreuses vidéos, dont notamment là, certains vont commenter l'actualité. Il y en a d'autres aussi qui vont faire des interventions avec les gens qui lui écrivent des messages là, sur YouTube. Il y a beaucoup de matériel là, qui est fait, là, notamment dans les derniers jours. Et vous allez avoir le lien là, qui se rapporte donc à sa chaîne de diffusion web en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je mentionne aux gens qui apprécient les entrevues que je fais au fil du temps avec Berthold, car vous l'avez compris, Berthold, ça fait quand même plusieurs années, on se connaît là, puis on fait des enregistrements ensemble. C'est sûr que s'il y en a qui apprécient les enregistrements que je rends disponibles là, sur ma chaîne YouTube, et je fais des entrevues avec plusieurs invités, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion web. Vous allez avoir les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement. Les coordonnées de mon compte, quand même me faire un virement sur PayPal ou Interac, là, les modalités par rapport à ça, vous allez avoir l'information. Pourquoi que je demande le soutien du public en relation avec mes activités de diffusion web? Bien, c'est parce que, à la différence des médias de masse, eh bien, je ne suis pas soutenu par le gouvernement. Je ne suis pas subventionné par eux là, massivement pour tenir un discours complaisant là, en lien avec la crise sanitaire, les mesures, etc. Ce qui me donne une liberté de parole que je n'aurais pas. Si je travaillerais pour un média de masse où je devrais me soumettre, me plier à la forme que représente le discours, le narratif officiel et ne pas déroger. C'est la raison pour laquelle je préfère faire des activités de diffusion web de manière indépendante là, sur Internet. Dans un premier temps, je vais amener Berthold à commenter là, certains enjeux relatifs à l'époque actuelle. Lorsque viendra le temps de commenter la crise sanitaire, qui est quand même un enjeu majeur et différents éléments qui s'y rapportent, cette portion de l'enregistrement, vous allez pouvoir la retrouver en exclusivité sur ma chaîne Odyssey et vous allez avoir le lien là, en bas de l'enregistrement présent pour pouvoir vous y rendre. Odyssey, qui est un lieu de diffusion web que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait, qui offre une très grande liberté d'expression, notamment par rapport à la crise sanitaire, étant donné que beaucoup de propos sont censurés là, aussi rapportant sur le web. Voilà pour ce qui est du préambule d'aujourd'hui. Et tout d'abord, pour commencer avec une première question en lien avec les enjeux actuels, l'un d'entre eux, c'est celui du développement rapide des nouvelles technologies. Et la question qui vient par rapport à ça, c'est pourquoi des êtres travaillent à fusionner l'être humain avec la machine pour en faire des cyborgs? Ben, c'est par compensation à mes yeux, mais c'est aussi une question de contrôle. De toute façon, admettons là que si on regarde l'astral, Oui. bon, étant donné que c'est juste de la mémoire, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, moi, je vois un lien entre la technologie qui est compensatoire, qui commence à apparaître sur le plan matériel, puis dont l'être humain pourrait parfaitement très bien fonctionner sans ça. Mais là, il va falloir faire avec parce qu'il faut qu'au niveau collectif, on intègre les choses qui ne sont pas intelligentes là-dedans. Donc, il faut qu'on le vive. Donc, c'est nécessaire que, à quelque part, il y ait le déploiement de cette technologie. Bon, on parle d'intelligence artificielle, reconnaissance faciale, ensuite big data, deep learning, l'apprentissage en profondeur, là, ouais, relatif à l'intelligence artificielle, que ces technologies-là soient diffusées, à la masse. Oui, ben, ça fait partie de la programmation de la masse. C'est au niveau collectif là, que je suis moins. Donc, au niveau individuel que je suis moins d'accord. Mais par rapport là, les gens qui en grande majorité embarquent là-dedans, puis il faut qu'ils le vivent pour intégrer le fait qu'il y a des choses là-dedans qui ne sont pas ajustées. Mais ça reste. C'est comme de tout temps, c'est encore la gestion des masses, la gestion des peuples, la domination des peuples, mais là, c'est les nouveaux moyens de maintenant. Parce que sur le fond, ça ne change pas d'une époque à l'autre, c'est la forme qui change. Donc, c'est la nouvelle forme. Les nouvelles formes de domination et de gestion des masses. Oui, mais en même temps, la technologie qui permet à l'être humain d'être un humain, pardonnez-moi l'expression, 2.0 ou avec des capacités augmentées, peut avoir certains bienfaits. On parle de redonner la vue à des gens aveugles. Ensuite, avec des supports technologiques aussi, permettre à des gens d'entendre, donc compenser pour des déficiences sensorielles. Donc, il y a quand même eu Ouais, une. mais là, il est pas. On parle pas de. Comment je pourrais dire ça? Ça dépend de quoi on parle. Parce que, encore une fois, c'est pas la forme ou le support qui est pas correct, c'est la façon dont c'est géré, ce qu'on fait avec. Donc, ça dépend, c'est du cas par cas, là, rendu là. Mais est-ce qu'on veut pas. Je sais pas si tu as vu. Il y a un film, La Cité des Enfants Perdus. Là-dedans, il y a un Non. scientifique qui redonne la vue à des aveugles pour s'en servir ensuite. Ils deviennent ses employés, puis. Donc, autrement Donc, dit, ils peuvent être récupérés par le système, là. ben là, c'est parce que est-ce que ces aveugles-là qui vont avoir des yeux artificiels, est-ce qu'il n'y aura pas moyen de pirater leurs yeux, de voir à travers eux? C'est déjà le cas au niveau de certains plans qui nous observent à travers nos propres yeux. Mais là, il y a certaines forces qui commencent à être tellement proches de l'être humain au sens d'une intégration par la conscience de certaines forces luciférienne qu'on peut se demander si les gens qui vont avoir des yeux électroniques ne vont pas servir à espionner eux-mêmes. Donc, je veux dire, ça, c'est si je t'amène une caméra dans la tête, est-ce qu'après je peux par des ondes la pirater puis voir à travers ta caméra? C'est jusqu'où ça va aller? Non, exactement, parce qu'après tout, on peut, par exemple, pirater un téléphone intelligent, puis surveiller, puis capter les conversations qui sont faites. Et tout ce qui peut être perçu à travers le numérique peut être enregistré aussi. Donc, c'est sûr que peut-être qu'il y aurait des yeux numériques qui pourraient être utilisés pour enregistrer des perceptions de certains endroits. Ben, les premières, si on prend la compagnie Samsung, Oui. qui est pas une compagnie réellement privée, au sens où on l'entend, qui est liée au gouvernement sud-coréen. Bon, ben, les premiers téléviseurs à écran plat, la compagnie Samsung a dû s'expliquer parce qu'il y a un micro là-dedans. Donc, c'est la même chose, là, mais nos médias n'ont pas parlé. Moi, j'ai pas vu ça dans nos médias à nous. Mais je sais que ces écrans-là ont des micros intégrés dedans. Puis ça n'a pas été dit au public. C'est sorti parce qu'il y a eu des fuites. Donc, c'est là. Est-ce que l'être humain est en train de faire un pacte au sens, oui, je recouvre la vue, mais c'est est-ce que c'est encore ma vue? Est-ce que c'est dans le sens que je vois pas de problème là? Mais c'est pas comme opérer quelqu'un pour les cataractes, là. Non, exactement. C'est sûr que présentement, c'est sûr, il y a des enjeux éthiques en lien avec ça. Tu sais, si on pense, par exemple, à la capacité pour un paraplégique d'utiliser la commande vocale avec une application là, qui lui permet d'accéder à des informations, là, tu sais, comme OK Google, si on prend Google, où il y a différentes assistantes vocales là, comme Siri, bien là, ça permet à la personne d'avoir un certain bénéfice pour gérer son rapport avec la machine. Ben oui, puis là, il n'y a plus besoin de l'humain, du proche aidant ou de choses comme ça. De toute façon, on ne l'a plus. Mais il reste, c'est qu'on va toujours nous vendre certaines choses en nous montrant les bons côtés. Donc, c'est certain qu'il y en a. Puis si c'était géré intelligemment, puis avec réellement de la bonne volonté, puis de la bonne foi, ce serait très correct, ce serait parfait. Le problème, c'est que l'être humain, c'est l'être humain. Puis tout ce qui passe à travers. Puis que, comment on disait ça, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, est-ce qu'il faut avoir une confiance aveugle tout simplement parce qu'il y a des bons côtés? C'est une question de discernement. C'est pas une question de polariser ça en disant c'est correct ou c'est pas correct. C'est juste de le voir pour ce que c'est, puis de voir venir aussi les possibles par rapport à ça, pour pas être pris au dépourvu, puis finalement... Mais c'est certain qu'il y a des avantages. C'est certain que on va pas... Mais, admettons, moi, que je veux, au niveau d'une masse, que je veux implanter quelque chose dans leur quotidien parce que j'ai un but donné. C'est certain que je vais pas... Je vais leur donner au sens de... Je vais leur vendre en montrant les bons côtés. Non, exactement, c'est leur faire miroiter des bénéfices pour qu'il y ait l'acceptabilité sociale pour l'intégration de la technologie et de la normaliser. C'est ça. Donc, d'un autre coup, anciennement, là, le paraplégique, l'handicapé, il était obligé d'intégrer dans son expérience le fait d'être obligé soit de dépérir parce qu'il acceptait pas, il intégrait pas son expérience, ou de développer du connexe puis de se développer ailleurs au niveau, par exemple, je veux dire, il y en a des gens comme des sportifs qui avaient plus usage de leurs jambes puis qui sont devenus des pianistes de jazz, des choses comme ça. Donc, ça faisait partie de l'expérience humaine. Les handicaps forçaient les gens à intégrer d'autres aspects d'eux-mêmes qu'ils n'auraient pas découvert possiblement autrement. Mais là, en faisant en sorte, moi je vois ça venir avec le même côté, on dirait que les gens tolèrent plus rien. Ils sont beaucoup plus intolérants par rapport à l'expérimental. Donc, est-ce que toute cette technologie-là va pas empêcher une certaine intégration? Il y a cet aspect-là aussi. Mais peux-tu clarifier qu'est-ce que tu entends ici par intolérance à l'expérimental? Ben, je ne sais pas toi, mais il y a 25 ans, il me semble que les gens étaient plus résilients que ça. Aujourd'hui, la moindre petite chose est un drame. Je veux dire, par exemple, on prend de quelque chose qui est dans l'actualité, là, la pensée woke, les micro-agressions, c'est quoi ça, là? Soit il y a une agression, soit il n'y en a pas. Les micro-agressions, c'est parce que la personne est hypersensible, là, au niveau psychologique. À un moment donné, il ne faut pas donner un sens à tout ce qu'on entend dans le sens d'une mauvaise foi qui est rendue normalisée socialement à cause d'une idéologie. Oui, exactement. D'ailleurs, je voulais te parler du mouvement woke qui est en émergence présentement. Là. Donc, c'est un courant qui vient des États-Unis, qui vise notamment la lutte contre le racisme et à faire disparaître les vestiges du passé pouvant invoquer le racisme. Et là, on se ramasse à une situation où il y a eu des bandes dessinées de Tintin en Ontario qui ont été brûlées en disant que dans Tintin, vu qu'il y avait Tintin avec les Indiens ou chez les Indiens, bien là, c'était des images qui étaient stéréotypées des Amérindiens qui étaient véhiculées là-dedans. Ah, il y a eu, je pense que c'est surtout Lucky Luke là, qui ont chialé pour les Indiens. Tintin, c'est à cause du côté colonial belge, comme Tintin au Congo, ces choses-là, me semble. Mais je pense aussi qu'il y a eu de quoi par rapport aux Autochtones. Ben oui, mais en ce moment, le gouvernement fédéral est en train d'instrumentaliser les Autochtones. Puis, c'est drôle, hein? Moi, j'ai pas entendu parler de rien d'anglophone qui a été brûlé. Tintin, c'est belge, c'est francophone. Puis ça s'est passé dans dans une école catholique francophone, je pense. C'est toute la manipulation, moi, à mes yeux. Oui, exactement. Puis, est-ce qu'on peut parler, parce que woke, c'est un terme anglophone qui est en lien avec le mot éveil, donc comme wake, quelqu'un qui va s'éveiller, I wake up this morning. Est-ce qu'on peut parler d'éveil chez quelqu'un qui va viser à éliminer tous les vestiges du passé qui font pas l'affaire de son idéologie? Il faut intégrer le passé, pas le canceller, comme ils disent. C'est-à-dire qu'on est censé apprendre du passé, l'intégrer dans le présent. Pas se fermer les yeux dessus, sinon on est condamné un jour ou l'autre à le revivre. Puis, par rapport au mouvement woke, ben, il y a eu aussi l'été passé, par rapport au Québec, la statue de McDonald's à Montréal. qui a été déboulonné. Donc, les gens là, se sont pris à cette statue-là. McDonald, qui est un personnage historique, là, qui est derrière les passe-dedans amérindiens, là. Et c'est sûr que ça a mal tourné dans les pensionnats ici. Fait que là, les gens sont comme en colère ou furieux, parce que c'est sûr qu'il y a eu des gens qui ont dit qu'il y a eu des problèmes d'agression sexuelle, de violence. L'affaire des pensionnats, c'est pas... mettons, Herb McDonald, lui, c'est surtout un père de la Confédération, là, parce que l'affaire des pensionnats, puis tout, il me semble, c'était quand... Là, il y a eu les écoles, ce qu'on a appelé les écoles normales avant les pensionnats, là, puis McDonald, c'est fait un bout, là, c'est même avant ça. Fait que là, de pas tout mêler, là, parce qu'avant les pensionnats, il y a eu des écoles normales, là, qui... c'était pas... en tout cas, de pas tout mêler ça, là. Mais l'affaire, moi, que je comprends pas, c'est que c'est une poignée de personnes qui sont allées déboulonner cette statue-là sous le regard de la police, puis la police avait ordre de ne pas intervenir. À mes yeux, c'est encore de l'instrumentalisation. Je veux dire, c'est toute la manipulation. Il y aurait eu 100 000 personnes qui seraient allées vouloir, je ne sais pas, moi, faire autre chose. La police serait intervenue. Là, il y a une poignée de personnes qui vont déboulonner une statue qui appartient à la ville. Puis il semblerait que la ville a donné l'ordre à la police de ne pas intervenir. Est-ce que c'est pas la ville elle-même qui, au niveau de des réseaux liés à des universités et à certains mouvements, qui a décidé elle-même de s'auto-saboter pour des raisons politiques, son propre patrimoine, son propre mobilier? Donc là, c'est là, les médias étaient là pour ça. Il y avait une poignée de personnes. C'est-à-dire, cet été, on a vu là, des centaines de milliers de personnes des fois, puis les médias couvraient pas. Les médias se rendaient pas. Puis là, tout d'un coup, là, ils vont couvrir ça, une poignée de personnes qui vont déboulonner. Une statue. Puis, en lien avec ça, ben l'enjeu, c'est tout le mouvement qui vise à revisiter l'histoire, puis éliminer tous les monuments historiques là, qui font pas nécessairement l'affaire. Dans une optique révisionniste, comme aux États-Unis, s'il y a des personnages historiques qui ont des statues qui auraient participé de loin ou de proche à l'esclavage, bien là, on voudrait enlever les statues. C'est parce qu'on est rendu dans la gauche extrême. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas l'air de comprendre parce que tout simplement, ça ne fait pas partie de leur culture, c'est que dans l'extrême gauche, il y a une affaire qu'on appelle la révolution permanente. Puis il faut qu'il y ait un roulement des figures. Symbolique. C'est juste cette mécanique-là. Là. C'est même pas besoin d'être dans de la conscience épouvantable pour voir ça. Là. C'est de la petite sociologie. C'est les Soviétiques eux-mêmes qui ont déboulonné les statues de Staline parce qu'il fallait qu'il y ait un roulement dans les formes, les symboles, parce qu'eux autres sont dans la révolution permanente. Puis l'objectif de ce roulement-là, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de repères. Les masses sont plus faciles à gouverner s'il n'y a pas de repères. Il faut que ça bouge tout le temps. Il faut qu'il y ait un mouvement tout le temps. C'est ça, la révolution permanente. OK. Parce que à ce moment-là, les gens n'ont pas le temps de se poser puis de se centrer parce que tous les repères sont tout le temps ébranlés. Donc, les gens sont fragiles. Ils sont tout le temps dans l'énergie de la conviction émotive de l'action politique. Il faut garder les fanatisés dans le... Tu sais, c'est du fanatisme, là. C'est du conditionnement, c'est de l'induction. C'est une façon d'occuper. C'est ça, mais en même temps, je voulais t'amener aussi sur le terrain de le regarder au niveau occulte ou supramental, dans le sens qu'un des volets de l'instruction supramentale est d'être libre des mémoires du passé. Et à ce moment-là, justement, là, de se libérer là, de symboles associés au racisme, à l'esclavage, est-ce que c'est une façon... C'est des symboles. C'est des symboles. On va être libre des symboles, mais on va être dans l'esclavage qu'on voit pas. Parce qu'on peut être en esclavage face à une idéologie comme celle woke, puis de se soumettre à ça, puis d'être dans le politiquement correct, faire attention. Regarde, là, juste au Québec, là, c'est quoi le pourcentage que le monde paye en impôts de leur salaire? Tu sais, je veux dire, ça en est ça de l'esclavage? Pendant qu'on est là avec de l'esclavage symbolique dans le passé, on voit pas l'esclavage... présent. Technique dans le présent. Ouais, ce qui m'amène à te parler d'opposition contrôlée, voire orientée, dans le sens que pendant que l'énergie des gens est mobilisée pour contester le passé de gens qu'on a des statues, ben, elle n'est pas mobilisée pour contester l'esclavage moderne, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, entre autres. Ben oui. qui était censé être abolie après la Deuxième Guerre mondiale. Qui était censé être temporaire, puis peut-être que c'est la même chose qui va se retrouver par rapport à certaines mesures sanitaires, mais ça, je vais C'est l'aborder. toujours comme ça, dans le sens que si une fois là, qu'il y a un certain but qui est atteint, ils vont bloquer pour. C'est un peu comme. On est encore dans des mécaniques comme il y a eu en Russie, là. Dans le sens que c'est le vrai passé important, le vrai passé, les gens ne sont pas éduqués à le voir. Parce que ça existe encore, c'est encore là, c'est les mêmes techniques. Moi, je vais tout le temps revenir les mêmes vieilles affaires. Ben oui, Moi, ben. John A. McDonald, je m'en fous de lui. Il est mort. C'est les John A. McDonald de maintenant qu'on devrait regarder, puis c'est eux autres qui font déboulonner des statues. Oui, exactement. Pendant que notre attention est tournée pour contester les gens du passé, ben les gens ne contestent pas ceux dans le moment présent. C'est détourner la vue, le regard, puis subjectiver le discours. Comme le passé, c'est le passé. Est-ce qu'on va être dans une action présente par rapport au passé? On est censé être dans une action présente par rapport au présent. On Exactement. n'est pas. Donc, moi, je m'en fous de ces affaires-là, dans le sens que. Mais on vit de plus en plus dans un culte de la mémoire, le devoir de mémoire, puis tout ça, c'est tout. On voit d'où ça vient. Ça sent comme d'où ça vient. Pendant qu'on est là, souvenir, là, comme là, c'était le jour du souvenir. Je veux dire, moi, à part que ça m'a causé des désagréments parce qu'il y a des affaires qui étaient fermées, il y a des marchés qui étaient fermés, puis je pouvais pas. Fallait que finalement, bon, j'ai fait d'autres choses, là, j'avais d'autres choses que j'avais en suspens qu'il fallait que je fasse, mais. Il reste que c'est de la mascarade. Moi, à mes yeux, je veux dire, je suis pas en train de dénigrer les anciens combattants, que pour eux, il y a quelque chose d'important là-dedans. Puis tout, c'est correct. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une instrumentalisation de la mémoire. Puis pendant ce temps-là, on n'est pas occupé à ramasser les morceaux de bébé dans le drain, dans le sens qu'il y a des choses du passé qui étaient ajustées, qui étaient très bien. Puis on est tout le temps détourné de ça. Comme là, il nous parle que ah, le niveau de français dans les écoles est pas bon. Puis il va falloir faire des comités de réflexion sur. Hey, là, c'est pas compliqué. Il recule, il y a 60 ans, le monde savait lire puis écrire. Tu vas voir il y a 60 ans comment ça se faisait, puis tu remets ça, c'est pas compliqué. C'est pas difficile. Mais il y a des ajustements quand même à faire parce qu'il y a 60 ans, il y avait des châtiments corporels qui se donnaient dans Mais les là, c'est pas ça classes. qui faisait que le monde écrivait bien. Ça n'a pas rapport, c'est ça que je veux dire avec les morceaux de bébé dans le drain. On a jeté le bébé avec l'eau du bain, puis le monde, il pense que si on, il pense que faudrait que quand quelqu'un dit, ben là, faudrait ramasser le bébé dans le drain, qu'on veut ramener la vieille eau sale. C'est pas ça, là. C'est pas parce qu'il y avait des châtiments corporels que le monde savait bien écrire, c'est au niveau de la structure d'apprentissage. Au niveau de comme par exemple, c'est pas compliqué dans le sens de la façon que le français est enseigné. Ça n'a pas rapport avec les châtiments corporels. Non, non, je le sais, mais je me permettais de faire avec toi l'avocat du diable pour les gens qui nous écoutent, pour sortir certains aspects. C'est sûr qu'autrefois, il y avait un cours classique où les gens étudiaient les humanités gréco-latines et il y avait des notions de grec, de latin, puis il y avait une compréhension de l'étymologie des mots, le sens premier des mots. Et c'est une des raisons, entre autres, qui m'a amené à écouter les enregistrements d'André Moreau parce qu'il a bénéficié de cette culture-là, puis à travers ces Pas enregistrements. besoin du cours classique. Je veux dire, le grec puis le latin sont à la portée de n'importe qui a un ordinateur. Oui, Comme l'autre fois, on aujourd'hui. parlait du mot foi, puis je te disais, c'est pas au sens de croyance, c'est au sens de conscience. Le mot foi, ça vient de fides. En latin, ça veut dire confiance. Donc, j'ai pas fait de cours de latin, moi, là. J'ai juste eu un intérêt. À un moment donné dans ma vie, j'ai eu un intérêt pour le latin. Je veux dire, c'est à apporter des gens. Le problème, c'est qu'on n'a pas donné les clés aux gens pour qu'ils soient des autodidactes au sens de l'érudition, c'est-à-dire de par une référence, d'aller à un autre livre qui part des références, aller à une autre source par des référents, puis se promener comme ça dans la connaissance. Mais c'est la clé, dans le fond, c'est. Pour se promener comme ça dans la connaissance, il faut un savoir, c'est-à-dire savoir comment se promener dedans. Donc, mais les gens n'ont plus de culture générale. Encore hier, j'écoutais ce qu'il disait à propos du français. Oui, mais même quand les gens ont un français pas si pire, ils n'ont pas le niveau de littératie dans le sens qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. On va arriver à un point là, où des livres écrits dans les années 50-60, là, les gens seront plus, ça va être une, ça va être, ils seront pas capables de comprendre le texte. Ils pourront, la différence entre le signifiant puis le signifié, puis ces choses-là. Ils n'ont pas accès à la métaphore. Ils ont de la difficulté à comprendre l'ironie, par exemple. Comment ça se fait que les gens voient les choses au pied de la lettre? Ils n'ont plus accès à ce qu'on appelait faire de l'esprit. C'est terrible, ça. Ils n'ont plus accès à la métaphore. Il y a quelque chose là qui a été voulu. Puis on voit ça où? C'est chez les gens de langue francophone. On dirait que leur culture, la culture gréco-latine, il y a un plan de la détruire. Ça fait 75 ans que ça dure. Puis les gens sont en train de se faire couper de leur propre culture, dans le sens que c'est une culture qui était supérieure à celle des anglo-saxons. C'est pourquoi, pour des raisons politiques, il y a eu le projet de la détruire, de l'enlever aux masses. C'est pour ça qu'à cette heure, à l'Académie française, il y a Alain Finkielkraut puis des affaires de même. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Oui, puis il y a probablement des forces retardataires qui n'ont pas intérêt à ce que les gens accèdent à une autre culture qui leur permettrait de s'émanciper sur le plan psychique. C'est pas au sens de la culture du blabla puis de l'intellect, au sens de culture comme ça, mais les clés de pouvoir se débrouiller au moins, d'être capable de trouver un ouvrage peut-être plus vieux, d'être capable de le comprendre parce qu'il y a juste cet ouvrage-là qui parle de telle chose. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul qui... Puis c'est comme ça qu'il y a un modelage des peuples. C'est ça que, pour ça que je parlais, par exemple, la technologie, c'est ce qu'on fait avec, c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est pareil pour l'éducation puis l'instruction publique. On a enlevé l'éducation des mains de l'Église, puis on l'a mis dans les mains de fonctionnaires d'un gouvernement fédéral qui fait partie d'un paquet de cossins transnationaux, provincial, fédéral, puis toute la patente des gens que est-ce que c'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas des gens de l'Église que c'est des gens bien intentionnés puis que les forces derrière sont pas dans des forces de domination puis de vouloir de formatage des masses pour des raisons de pouvoir. Oui, exactement. C'est sûr qu'au niveau, quand que, ici au Québec, les écoles étaient gérées par des religieux, même chose pour les hôpitaux, ben c'est sûr que c'était différent. Au niveau de l'éducation, ben c'est sûr qu'ils enseignaient la religion catholique naturellement. Donc, il y avait une volonté d'endoctriner puis de programmer les gens pour que ce soit de bons chrétiens. Non, non, non, non, minute, là. Moi, j'ai jamais considéré que le travail de l'Église catholique et au Québec était tant que ça de former de bons chrétiens, c'était surtout d'avoir un pouvoir. C'était une question de pouvoir puis de statut social, entre autres. Être un bon chrétien, là, ça n'a pas rapport avec l'Église, tant qu'à moi. Pas l'Église au sens où on l'entend, l'Église apostolique romaine. OK, mais Parce que le petit là, le monde, il catéchisme. chiale, il dit, ouais, mais dans le temps, on se faisait taponner par les curés. Ben oui, puis là, tes enfants ils vont se faire taponner par des fonctionnaires. C'est-tu mieux? Je veux dire, l'être humain, il reste l'être humain, qu'il y ait un col romain ou pas. C'est qu'on soit abusé par des curés ou qu'on soit abusé par du monde, par des fonctionnaires qui ont étudié en sciences sociales, est où la différence? Mais ça peut être au niveau des abus, parce qu'aujourd'hui, les agressions sexuelles sont C'est plus pas en tolérées cause. publiquement. Présentement, les gens sont très sensibles. Un professeur peut pas toucher un élève, il va être facilement, même une tape sur l'épaule. C'est hypocrite. Là, c'est surtout de regarder bien ça dans les prochaines années, ça va être des travailleurs sociaux et des affaires de même. Regardez en France l'éducation publique, le nombre d'instituteurs qui. C'est aussi pire que l'Église, là. Fait que, il y a de l'hypocrisie là-dedans. C'est Puis ça, énormément. mais ce que je voulais Comme là, dire, un matin, là, ben non, oui, mais attends, vas-y. mais tant qu'à partir là-dessus, un matin, Oui. regarde dans le journal de Montréal, ils ont fait une rafle, ils ont arrêté un paquet de pédophiles. Ben oui, mais c'est tout du monde de la classe moyenne qu'il y a là-dedans. Des concierges, justement, des enseignants. C'est quoi? Il n'y a personne dans la classe plus haute que ça qui fait de l'abus. Il n'y en a pas. Il n'en trouve pas. Hey, là. Ça prend de le monde pour des cas. C'est encore de la diversion, là, de détourner le regard. Comment ça, c'est tout le temps du monde pauvre ou de la classe moyenne qui se fait arrêter? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ailleurs. L'affaire, là, c'est qu'on est d'une société luciférienne pourrite. Puis dans le fond, s'il y a des affaires qui sont interdites, c'est parce que c'est des privilèges liés à une hiérarchie sociale. C'est pas mieux plus haut, c'est pas plus correct plus haut. Pourtant, ça, on n'entend pas parler. Ça, je voulais dire là-dessus. Oui, mais ce que je voulais dire tantôt, quand l'Église, à mes yeux, cherchait à programmer les gens pour être des bons chrétiens, je faisais référence au petit catéchisme que les gens devaient mémoriser comme étant des vérités, puis il était examiné par rapport à ça, tu sais, est-ce que Dieu est partout, puis tu sais, les questions de Bon, base comme c'est où ça. est Dieu? Oui. Puis là, la réponse, Dieu est partout. Bon, est-ce que Dieu est partout, là? Mais Oui, après, puis c'était pause partout. c'est ça, puis oui, pour notre génération, mais le point, c'est que c'était drôle parce qu'il disait Dieu est partout, OK, mais est-ce que tu poses la question, est-ce que tu es Dieu? La personne va dire non, mais non, je peux pas être Dieu, moi. Mais Dieu est partout. Ben, c'est parce qu'on peut pas être Dieu en tant qu'ego incarné. Mais là, il y a des. C'est parce qu'il y a une affaire au niveau théologique là-dedans. C'est-à-dire que Dieu est en dehors de sa création, mais il en a connaissance en toute chose. C'est différent, là. Parce que il y a une différence. Est-ce que tu es. Parce qu'au niveau théologique, Dieu est pas. Parce que là, sinon, on tombe dans une espèce de monisme qu'il y a chez certains protestants. Puis c'est des questions. C'est délicat, là. Mais Dieu, il est partout, oui, parce que son esprit, à cause de cet aspect-là, ça c'était au niveau de la théologie catholique. Mais c'était Oui, pas. je le comprends dans le sens que tu l'entends, mais c'est sûr que ça ne correspond pas à un monisme immanentiste, naturellement, comme Ouais, le parce que là, il y a un propose André retour au Moreau. paganisme là-dedans. OK. Parce que c'était comme type, hein? Le tout qui est dans tout, puis mais là au sens immanent, pas transcendant, puis tu sais, c'est des affaires, c'est spécial. Ça fait combien de millénaires qu'on est là-dedans, qu'on cherche là-dedans. Le petit catéchisme, il était fait, c'était polarisant au niveau de, donc c'était binaire, tu sais, c'était des questions-réponses. Exactement. Sinon, je voulais t'amener en lien avec les enjeux contemporains. L'un d'entre eux, c'est l'émergence du mouvement transhumaniste qui prend de plus en plus de place, dans le sens que le transhumanisme, c'est une vision du monde qui vise, entre autres, à amener l'être humain à se dépasser. Et entre autres à travers le support de la technologie. L'idée, c'est de dépasser la condition humaine en créant une espèce d'être humain amélioré, là. Je me demandais là, quel regard tu avais là-dessus, là, sur le mouvement transhumaniste. Ben, mes yeux, c'est encore un leurre. C'est encore de la merde, je dirais. Moi, j'en veux pas de technologie dans mon corps. Si mon corps, c'est déjà la technologie la plus fine qui existe. Je veux pas d'autre filage que mon système nerveux, c'est le plus fin qui existe. Il est pas plus avancé comme technologie que l'être humain comme il est là. Où ça bloque, où il faut qu'il se dépasse, c'est au niveau plus subtil. Au niveau de la gestion de ses pensées, de la vision de sa vue. Mais l'affaire, là, de. Oui, ça va avoir des avantages encore là. Mais l'être humain, c'est au niveau d'une certaine maturité puis de son discernement qu'il faut qu'il se dépasse. Parce que ça va donner quoi d'avoir de la technologie pour faire des folies avec? Dans le sens, le transhumanisme, ben, c'est aussi le gars qui s'était transformé en tigre par des opérations. Puis finalement, il y a eu un petit éclair de lucidité tout petit, puis il s'est suicidé. C'est aussi des conneries de même, le transhumanisme. Oui, mais il y a de toutes sortes d'utilités. Si on prend par exemple la personne âgée qui a des problèmes cardiaques, puis elle peut être détectée à distance via un implant si son rythme était régulier, puis qu'une ambulance soit envoyée sur le champ, Ben ça oui. peut faire la distinction entre la vie puis la mort. Ben oui, mais c'est pour ça que je te dis, il y a des bons côtés, c'est pour ça que le problème, c'est pas ça, c'est le discernement. la maturité, puis c'est quoi l'intention derrière? Parce que c'est encore pour vendre la patente. Ça m'attend, moi, je veux te vendre une idéologie nouvelle qui va me permettre de faire énormément de profit, d'avoir énormément de contrôle. C'est certain que je vais te parler des bons aspects. La personne âgée, peut-être qu'à un moment donné, c'est dans sa programmation qu'elle crève, là. Oui. Dans le sens, pas dans le sens, comment je pourrais dire ça, tu sais, eugéniste, mais dans le sens de la personne, à un moment donné, elle n'a pas de qualité de vie, puis là, elle va être maintenue en vie parce que dès qu'elle pourrait mourir naturellement selon sa programmation, il y a du monde qui va intervenir. Ça m'étonnerait qu'au niveau des gens qui ne payent plus d'impôts parce qu'ils ne travaillent plus, puis tout, que l'État va intervenir plus sauvé tant que ça. Mais il reste que. Je ne sais pas si c'était. Je pense que c'est dans. Tu sais, Ray Bradbury, le Ray Bradbury présente. Dans le temps, il y a une femme, a fait un contrat avec un scientifique pour qu'il rallonge, qu'il fasse vivre le plus longtemps possible. Puis à un moment donné, rendu à dépasser 100 ans, puis il reste juste sa tête dans un paquet de machines. Ses reins, c'est des machines. Son foie, c'est des machines. Puis tout, puis ça garde en vie sa tête. Puis elle veut mourir, ça fait des années. Mais lui, il la maintient en vie parce qu'il continue à recevoir les paiements. Puis OK, fait que c'est sûr qu'il n'a pas elle veut du gain, mourir. ouais. Puis il y a un programme que maintenant ça fait venir un fusil parce qu'avec des robots mécaniques, elle veut se tirer une balle dans la tête, puis le scientifique il part à rire parce que les bras sont faits qu'elle peut pas les amener vers elle. Fait que ce qu'elle fait, elle tire sur le gars. Puis j'avais trouvé ça bien bon. J'avais vu ça quand j'étais petit, puis je l'avais trouvé ça bien bon. Ça, c'est tu fais référence à un film? Non, c'est Ray Bradbury présente. Je Tu sais, connais pas. oh, ça fait longtemps de ça, c'est. Une Mais Ray émission? Bradbury, ouais, c'est Ray Bradbury, c'est un écrivain canadien de science-fiction. OK. Puis à un moment donné, ils ont fait un programme, Ray Bradbury présente, un peu comme Alfred Hitchcock présente, mais c'était les histoires et des histoires dans le style de Ray Bradbury. OK. Pourquoi voit-on l'éclatement de l'identité de genre et des formes d'orientation sexuelle à l'époque présente? On assiste notamment à des gens qui se définissent comme étant des non-binaires. Parce que il y a une volonté politique, pour toutes sortes de raisons, de détruire l'identité au niveau des gens. Comme en Chine, ils ont essayé dans le temps, c'était comme les uniformes kaki pour les hommes puis les femmes. Il fallait qu'ils s'habillent pareil. Puis... Mais ils se sont rendus compte que c'est mieux une confusion des gens que d'essayer de. Au lieu de créer une surformalité puis de formaliser le plus possible, c'est mieux par conditionnement. De détruire la de faire d'engendrer une confusion des genres. Les gens vont être beaucoup plus faciles à manipuler s'ils n'ont pas d'identité même à ce niveau-là. Moi, je le vois comme ça. Mais en même temps, l'époque actuelle permet aux gens de plus définir leur rapport identitaire, dans le sens qu'autrefois, les gens, je crois qu'ils s'affichaient comme étant masculin, féminin, puis là, les gens peuvent dire, ah, ben moi, je me sens ni homme ni femme, je suis un non-binaire. Ben oui, mais comment ça se fait que dans le temps, il n'y avait pas tant de monde que ça, qui ressentait ce besoin-là? Mais Puis peut-être même qu'il y en s'il avait, était mais il comme ça, il ne était. ressentait pas le besoin de l'afficher, puis de. Mais C'était pas une identité sociale. Peut-être que dans le temps, il y en avait qui ressentaient ce besoin-là, mais qui ne le faisaient pas parce que la morale, la religion était trop forte. C'est de l'immaturité, puis de l'enfantillage, puis c'est voulu par du monde qui ont financé ça. Puis c'est des techniques de psychologie appliquées sur le monde pour leur créer une confusion des gens. Pourquoi? Pour rendre l'identité plus fragile. Puis qu'ils n'atteignent pas certains stades au niveau des processus naturels de formation de l'identité chez l'enfant, entre autres. Il y a certains stades qui ne seront pas atteints, puis l'enfant ne devient jamais un adulte. Puis là, il y a besoin du monde qui dise quoi faire puis quoi penser. Puis c'est de l'enfantillage. On garde les gens dans de l'enfantillage. C'est pas normal qu'un bonhomme de 60 ans veut se mettre du cutex jaune puis aller se magasiner du linge. Il y a de quoi qui marche pas, là. Parce que c'est pas ça avoir une vie que dans le sens de gérer d'une façon ergonomique puis intelligente son énergie. C'est de l'enfantillage. Puis les gens sont de plus en plus entretenus puis voulus puis conditionnés pour être dans de l'enfantillage puis des choses superficielles. Mais c'est parce que ça dépend. Si on pense à l'émergence du mouvement des transsexuels, qu'on entend de plus en plus parler depuis un certain nombre d'années, ça peut être l'opportunité de la personne qui, par exemple, va naître masculin, puis la personne rendue, comme l'exemple que tu donnais, un homme à 60 ans, bien là, si, dans le fond, son désir, en réalité, comme on dit, si c'est une âme féminine dans un corps masculin, de s'actualiser en tant que femme, ben ça peut se faire. Ben oui, mais l'affaire, là, c'est que c'est pas si important que ça. Chris, on donne de l'importance à des choses qui ne le sont pas. C'est en ce sens-là, je dis que c'est superficiel. Mais c'est parce que ça regarde, peut être les Algonquins, ils avaient intégré ça, les Bernaches et ces patentes-là. Mais c'est parce que ça peut être important pour l'individu qui souffre par rapport à son identité physique versus celle qu'elle évalue avoir sur le plan psychologique. Le contexte social est fait pour qu'il en souffre. La fausse identité sociale collective a été décidée pour qu'il en souffre de ça. Il n'est pas obligé d'en souffrir. Il y a des choses qu'on ne peut pas décider d'en souffrir puis tout, mais oui, mais on a enlevé le pouvoir au monde de décider s'il souffre ou pas des choses utiles ou pas. C'est complètement subjectif. C'est pas normal de souffrir de ça. Mais objectivement, je voulais t'amener quand même au propos que Bernard de Montréal avait déjà tenu. C'est-à-dire que lui disait qu'il y a des gens, mettons, dans une vie antérieure, ces gens-là étaient un homme. Et si la personne se réincarne trop vite et est trop proche des mémoires de cette vie passée, puis elle se réincarne dans le corps d'une femme, eh bien, le côté homme étant proche de son incarnation actuelle va faire en sorte que la personne peut se sentir homme dans un corps de femme si les mémoires n'ont pas été dépolarisées puis intégrées. Oui, c'est de l'astralisation dans ce temps-là, parce qu'elle est encore dans les énergies d'une identité qui est morte, puis qui veut se réactualiser dans son vivant là. Il y a un asti de problème, là. L'intégration, c'est aussi intégrer le corps dans lequel on est. Pas vouloir le transformer parce qu'au niveau psychologique, on souffre. Il y a de quoi qui marche pas, là. Moi, anciennement, là, c'était vu, là, au niveau de certains... c'était vu comme des troubles d'identité puis de la dysphorie du genre. Puis il y a du monde qui ont financé des affaires au niveau, c'est politique, ça vient pas du médical, ces changements de mentalité là, ça vient du politique, puis ça a été financé. Donc il va falloir se poser une question, il est où l'intérêt là-dedans? Oui, c'est mais, pourquoi que mais en même je temps comprends je te donne... ce que tu veux dire, mais regarde les Algonquins puis les Bernaches, ils avaient intégré ça, il y a un paquet de cultures avaient intégré ça. Puis, il n'y avait pas eu besoin. Il ne sait pas parce que le monde souffrait. Ça s'était fait naturellement selon une logique autorégulée par rapport aux lois de la vie. Ça ne s'était pas fait selon des idéologies Mais intellectualisées. Justement, peux-tu m'en parler un peu plus des Algonquins et des Bernaches? Parce que je t'ignorais à ce niveau-là. Une Bernache, c'est quelqu'un qui a une âme double à la fois masculine et féminine. C'était des hommes qui avaient un aspect féminin. Dans le sens, dans la communauté, souvent, ils étaient habillés en femme. Mais quand il y avait une guerre ou quelque chose, là, il fallait qu'il y ait l'énergie masculine d'aller se battre, là, comme tout le monde. Puis il fallait qu'il y ait la chasse comme tout le monde. Dans le sens, il fallait qu'il soit double. Il y avait une âme double. Ils n'abandonnaient pas un côté d'eux-mêmes pour ça, là. Puis eux autres, ils interprétaient ça au sens... les chamans disaient, c'est parce que dans le passé, t'as des vieilles énergies qui sont encore là, puis tu peux pas te battre avec, fait qu'il va falloir que tu composes avec. Donc, quelque part, il y avait quelque chose de créatif à ce niveau-là, puis c'était lié au spirituel, dans leur vision. Des fois, c'était comme l'âme d'une grand-mère de Vlob qui était morte, ou eux l'interprétaient comme ça. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que si la personne n'a pas intégré le bagage mémoriel d'une incarnation précédente dans un corps biologique différent du sien actuel au niveau de l'identité sexuelle, à ce moment-là, si la personne n'a pas la force d'intégration, à ce moment-là, il me semble logique de compenser puis que la personne puisse déterminer l'identité sexuelle. Il semble logique de compenser plutôt que de trouver la force puis de trouver les clés puis les moyens d'avoir la force. Il y a de quoi qui ne marche pas, c'est anti-évolutif, là. Mais tantôt, tu disais que, à quelque part, la société actuelle compense avec la technologie, puis c'est normal. Fait que la société ne trouve pas la force d'évoluer sans le support des béquilles technologiques non plus. Oui, parce qu'il y a du monde qui a intérêt à ça, puis on a enlevé les clés puis les possibilités d'évoluer autrement. Puis on fait exprès pour qu'il n'y ait pas de discernement. Regarde, on parlait du système d'éducation. Le sens critique puis le discernement n'est pas encouragé, au contraire. On occupe le monde avec des conneries au lieu de leur donner les bases d'une vraie pensée. C'est pour ça qu'il n'y a plus de cours classiques. Là, c'est comme, si tu demandes à quelqu'un, bon, c'est quoi la différence entre un raisonnement aristotélicien puis un raisonnement platonicien, le monde ne le savent pas parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi un raisonnement. Non, c'est sûr qu'actuellement, Fait que. l'éducation, le virage qu'a pris, c'est de former des techniciens, donc des gens qui exécutent, mais pas des gens qui Les esclaves. réfléchissent ou qui font de la Les métacognition. esclaves. Le système fabrique des esclaves. C'est tout. Pour avoir une vraie instruction, une vraie éducation, il faut que tu ailles dans des écoles bien, bien chères privées. Il faut que tu envoies tes enfants dans des écoles bien, bien chères privées. L'Académie militaire où ce que le père de Trump y a envoyé son fils, l'agent d'immeuble, le père de Trump, c'est parce qu'il y avait moyen de l'envoyer là. Eux autres, ils revoient ça, puis ils lisent les classiques, puis tout. Tu sais, je veux dire, le passé. Au niveau là, d'avoir un discernement sur le passé, il faut au moins que tu aies accès à c'était quoi. Dans le sens que la mémoire n'est pas mauvaise à ce niveau-là, c'est pour développer un discernement dans le présent, pour pas qu'il y ait une répétition justement de certaines forces mortes. Oui, pour ne pas répéter les erreurs du passé, notamment. Pour ce qui est du phénomène des transsexuels qui s'affichent de plus en plus publiquement, j'ai vu entre autres au Québec, là, autrefois il y avait des toilettes pour les hommes, pour les femmes, puis là il y a des toilettes pour les deux genres. On en voit Non, il n'y a apparaître. pas ça ici, il n'y a pas ça dans mon coin. Bon, en tout cas, dans mon coin, il y a ça, là, de plus en plus des Bien restaurants. sûr. Ben, tu es plus proche des grands centres. C'est ça. Fait que. Ici, s'il y a ça, ils vont se faire briser. Mais en tout cas, bref, ce que je voulais t'amener, c'est que d'un côté, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'ego intègre son identité présente, puis elle soit capable de se détacher du passé. Mais en même temps, simultanément, c'est pas tout le monde qui a la force de volonté de le faire. Ben oui, mais justement, les gens sont au niveau de l'éducation, on dit pas, c'est pas pour eux, on est mal éduqués. C'est tout à t'arranger qu'ils n'aient pas la force. Fait que c'est un cercle vicieux en réalité. Donc les gens peuvent pas être libres du passé parce qu'ils sont pas éduqués à le devenir. C'est ça. On est mal éduqués. C'est quasiment des tours de force accidentels quand quelqu'un trouve les forces de voir ça. Ça arrive pas par le hasard, là, mais c'est quasiment fortuit des fois, on dirait. Parce que de se rendre compte que tout ça n'a pas d'allure, c'est un éclair de. Faut que c'est de la grosse lucidité, quasiment en dehors de. Il faut être capable de sortir de la boîte qu'on nous a faite. Puis pour avoir du discernement, puis voir que ça, voyons, ça n'a pas de bon sens. Il y a de quoi qui marche pas, là. Puis d'ailleurs, c'est bizarre ça, parce que plus ces affaires-là sont mises en place, puis plus le monde sont ses pilules, plus qu'ils se droguent, plus que ça va pas bien, plus qu'ils sont malheureux. Et sûr. Tu peux pas être heureux quand c'est pas intelligent. Être heureux pour vrai, là, le vrai bonheur, là, c'est de l'intelligence. C'est intelligent, être heureux. Je veux dire, si tu vis d'une façon pas intelligente puis que tu le sais pas, tu vas être malheureux. Mais dans le sens, je suis pas en train de dire qu'ils sont pas intelligents, c'est pas ça, là. Mais l'affaire, c'est, regarde, là, comme moi, je reste avec quelqu'un qui a la télévision, puis là, je regarde ça, puis la télévision, moi, je l'avais pas depuis 2005. Là, tout d'un coup, pouf, ça réapparaît dans ma vie. Je te dis qu'il est là le choc, parce que je la vois la progression. Les raisons pourquoi j'avais fait couper ça, aujourd'hui, je vois que ça a empiré, là. Parce que là, c'est plus des histoires comme des hommes doubles, comme les Bernaches qu'on voit à TV, là. C'est carrément des affaires grotesques. C'est grotesque. Je suis tout seul qui trouve que ça a l'air fou, que c'est ridicule. Des Ben, affaires comme. oui. Ben, quand, regarde, et là, il y a une affaire, je sais pas trop c'est quoi, mais je vous l'annonce des fois, puis là-dedans, il y a une drag queen. C'était correct, ça, dans le temps que c'était underground, dans des cabarets la nuit. Mais c'est pas une affaire de transsexuel, ça, là, c'est des clowns. OK, c'est juste ridicule. Ça a l'air fou, puis c'était peurant, quasiment, à la limite, là. Puis là, ils ont fait des programmes que t'as du monde de même qui font l'heure du compte. Ils lisent des contes à des petits-enfants, puis les petits-enfants, il y en a qui pleurent puis qui ont peur, possiblement, mais les parents, parce qu'ils sont d'une idéologie progressiste, gna, gna, gna, ils vont dire non, non, parce qu'il oh, faut que l'enfant, là, il comprenne que blablabla. Si naturellement, l'enfant, il a peur, tu comprends pas que c'est parce que tu es en train, justement, de mal l'éduquer, dans le sens que tu es en train de court-circuiter son intelligence naturelle, sa sensibilité naturelle, puis son instinct au sens de ce qui est intelligent, tu es en train de le formater de force, puis Non. qu'à quelque part là-dedans, il y a quelque chose qui marche pas, là. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, dans Mais le en même sens temps, que ces Christ, ça n'a gens-là pas d'allure. amènent une libération des formes stéréotypées de l'homme puis de la femme, là, en faisant ça. Ils font éclater la Yeah, là, forme. il y a des lois d'harmonie au niveau de l'intelligence, c'est des lois d'harmonie. Des lois de l'énergie va selon son appointement. Mais en même temps, il y a des lois de liberté dans l'expression identitaire. Donc, si la personne... C'est pas de la liberté, Chris, de forcer des enfants à côtoyer ça, de les forcer, là, parce qu'il faut que ça fasse partie de. C'est aussi pire que l'échantillonnement corporel. C'est aussi pire, c'est Non, aussi non, violent. c'est sûr que des forcés, je peux comprendre. Je parlais plus de liberté Yeah. pour la personne qui va chanter, admettons, l'individu masculin habillé en femme pour donner un spectacle de Oui, musique. c'est correct ça. Y Bon. a-tu quelqu'un qui interdisait ça au Québec? C'était plein Montréal de cabaret de ça. Mais c'est-tu obligé d'être en prime time à la TV? C'était intelligent puis c'était correct quand c'était underground, qu'il y avait Autrefois, quelque c'était chose de discret. contestataire là-dedans. Autrefois, c'était C'est discret. ça. Tandis qu'aujourd'hui, c'est affiché là, sur les heures d'écoute, puis ouais. Mais ben là, c'est parce que là, on est rendu dans la propagande que je parlais, puis qui est financée, puis qui a des raisons politiques puis d'intérêt derrière. C'est là, moi, où je dis non. Mais justement, quels C'est pas moi qui vais sont. aller me battre contre ça, là. Oui, T'sais. je peux comprendre ce que tu veux en venir, là. Mais c'est de regarder présentement les forces occultes qui sont derrière l'éclatement de l'identité sexuelle, de l'orient, même la possibilité d'avoir différentes orientations sexuelles. Il y en a qui sont rendus pansexuels. Tu sais, ben oui. Hey, là, ça commence à être grave. Faut que j'entende quoi, moi, par là? Que ça peut être le chien du voisin. C'est pansexuel. Pan, ça veut dire tout, là. Ben oui, mais c'est ça, là, il y en a Mais qui. là, Chris, on est dans de la déviance, on est dans de la maladie mentale. Comment ça se fait que le DSM, il grossit d'année en année, mais ça, non. C'est ça, c'est. Hey, là, l'affaire d'être pansexuel, là, c'est de la maladie, là. On est dans de la déviance au sens psychopathologique. Il y a un problème au niveau du développement. C'est comme un oiseau, admettons, qu'en venant au monde, la première chose qu'il voit, c'est une paire de bottes. Ben, il va enregistrer comme si la paire de bottes était ses parents, tellement qu'il y a des fermiers que les pintades lui courent après les pieds toute la vie de la pintade parce qu'elle pense que la paire de bottes, c'est ses parents. Ben, il y a un mécanisme comme ça chez l'être humain. Puis c'est là qu'il y a certaines déviances au niveau d'identification puis de projection inconsciente pas intégrée qui se font. Mais là, être pansexuel, là, moi, ça m'inquiète. Quelqu'un qui dit ça, là, hein? De quoi tu parles, là? Tu serais-tu attiré sexuellement par le chien du voisin? Ça peut être n'importe quoi, Moi pan, ça non, veut dire tout. moi De non, quoi il je parle, comprends. là? C'est sûr que à ce niveau-là, moi aussi, ça m'inquiète, là, en réalité, là, la tournure que ça prend, là, il y a comme une, parce que c'est ça, ce que je veux dire, c'est que derrière ça, une volonté de faire éclater les formes. Puis c'est comme, aujourd'hui, il y a plus de frontières ou de barrières comme autrefois. T'sais, autrefois, il y avait des gens qui étaient hétérosexuels, homosexuels, il y a des bisexuels, il y a des pansexuels, il y a un paquet de choses, là, qui apparaissent, là. Ben oui, mais c'était là pareil, ça, là. Je veux dire, c'est pas nouveau, là. Ce qui est nouveau, c'est au niveau de récupérer ça au niveau politique, pour des raisons d'intérêt, pour des raisons de contrôle, pour des raisons de jouer avec le trouble de l'identité chez l'individu. Il y a du conditionnement des masses là-dedans. Plus tu crées de la confusion, là, plus ça va être facile de. C'est ça, l'est, ça, Ordo ab chaos. C'est un chaos, là. Si tu prends. Tu sais, c'est un peu comme. Bon, non, c'est vraiment. Bon, c'est ça. Je vois ça comme ça. Puis, pourquoi que c'est aussi suivre l'argent? Qui a financé ça? Dans quel but? Pourquoi? Comme, y a-t-il quelqu'un qui a remarqué que les Femen, il y avait beaucoup, beaucoup d'anciennes escortes d'Europe de l'Est là-dedans? Puis de regarder qui a financé ça, qui a mis ça en place, cette mascarade-là. Puis, comment ça se fait que les femmes sont défendues par des escortes d'Europe de l'Est? Moi, être une femme, je serais assez en maudit. Hostie que je serais choqué. Voyons donc, le monde, il ne voit pas que c'est tout du théâtre, que c'est tout de la mise en scène. Mais en tout cas, eux autres, ils ont fait des mises en scène, là, mises en scène, pardon, là, mettons, les femmes qui allaient manifester contre le pape puis se montrer saints à l'air, tu sais. Hey, c'est surtout pour des raisons politiques puis de conditionnement des masses. Quand il y en a une qui a fait ça à l'Assemblée nationale, c'est évident qu'ils l'ont laissé rentrer, puis qu'ils ne sont pas pressés hein, pour la sortir, ils l'ont laissé faire son show avant. C'est tout voulu, c'est tout pensé. C'est comme celle qui était allée chier dans des confessionnals, dans des églises, là. OK, aller faire ça dans une mosquée au Maroc, on va rue. Oser aller faire ça. Non, non, il faut que ça soit la chrétienté qui est attaquée. Parce que c'est au niveau occidental qu'il y a une volonté de détruire certaines structures pour des raisons de contrôle. Donc, c'est drôle, si on peut aller faire ça dans un temple sikh, si on peut aller faire ça dans une mosquée, pourquoi? Parce qu'ils seraient décédés. Peut-être pas dans un temple sikh, ils sont assez. Mais va aller faire ça dans En au Arabie Maghreb. saoudite, Yes, Saint, ouais. où est-ce qu'il y avait des exécutions publiques, là, Il y en a avec des coups de encore. fouet, tu sais. Mais oui. Je voulais te poser comme question, est-ce que l'homoparentalité qui est de plus en plus véhiculé dans les médias et propice au développement des enfants. Ça dépend. C'est du cas par cas. Ça dépend du couple homoparental. C'est du cas par cas. Tu sais, c'est pour ça que ça devient complexe là, de m'amener des questions de même. Parce que moi, j'ai un cousin qui a été élevé par deux femmes. Puis il est correct, puis il rend du père de famille, puis il gagne bien sa vie. Par contre, quand il y a eu toute l'affaire, toute la mascarade qu'on a eue dans les deux dernières années, il a embarqué full pin là-dedans. Il n'y a pas le même discernement, que pourtant il est très intelligent. Mais au niveau psycho-affectif, je vois qu'il y a des problèmes. Mais là, est-ce que c'est lié à ça? Je ne peux pas me prononcer. Je pense pas. Mais il reste que. Tu sais, je veux dire, c'est pas le gars le plus. Mettons que il aimait Bikéo à monter, c'est pas lui, je vais faire ça. Tu sais, je veux dire, dans le sens que il est bien bon pour les concepts intellectuels pis tout, mais au niveau du plan matériel, il y a des affaires qui n'ont pas l'air intégrées. Est-ce que c'est lié à ça? Je peux pas me prononcer, là. Non, non, je comprends. C'est un cas C'est du cas par c'est du cas. cas par cas, c'est ça exactement. Sinon, dans un autre ordre d'idée complètement différent, quelles sont les forces derrière le mouvement écologique actuel? Ben moi, à mes yeux, c'est ça vibre là, les. Ben, tu as toutes sortes de forces à différents paliers parce que tu vas avoir une convergence d'intérêts puis de forces. Donc, le mouvement écologique, en même temps, tu as derrière ça des gens qui ont des intérêts politiques. En même temps, derrière ça, tu as des gens qui ont des intérêts financiers. En même temps, derrière ça, tu as des gens qui ont des intérêts sincères, qui est d'une vraie logique que oui, il existe un écologisme intelligent. Qui on aurait intérêt à mettre en place. Mais encore là, c'est beaucoup plus varié puis complexe qu'on pourrait le penser. On n'est pas pour dire c'est ça qui est en arrière, bing bang, de même, parce que c'est jamais aussi simple. Parce que c'est vaste, là. Oui, non, c'est sûr, là, c'est une question très générale que je te posais, parce que présent, Ben, oui. moi, je sens une forme de néo-paganisme qui est sous la surface de tout, puis c'est inconscient. C'est-à-dire? Ben comme les hippies, puis le retour à la Terre, moi je sens ces vibrations-là là-dedans, puis on dirait que dans certains mouvements écologistes de maintenant, je ressens les mêmes vieilles affaires, les mêmes vieilles énergies. Puis il y a quelque chose de. Tu sais, Gaïa, la Terre meurt, puis il y a quelque chose des vieilles formes d'ésotérisme. Qui me rappelle les dames comme Annie Besant, puis les gens qui étaient dans les théosophes, puis ces affaires-là. Puis même de l'anthroposophie un peu. dans le sens que je sens qu'il y a des vieilles mémoires qui peuvent parasiter ça, puis c'est lié au psycho-affectif inconscient des masses. Moi, souvent, j'aime faire le parallèle entre la religion, autrefois qui était très forte au Québec, catholique, puis la religion verte là, en émergence avec le lobby là, Ben écologique. oui. Mais culte, ça vient pas juste de culture, ça vient pas juste de culte dans le sens de. Mais culture, c'est lié aussi à l'apparition. Comment je pourrais dire ça? Les agriculteurs. Comme les sociétés monolithiques en Europe là, qui élevaient des calendriers de pierre, puis c'était lié aux cultures, entre autres. Donc, il y a quelque chose là-dedans. D'un retour de certaines forces qui ont fait sortir les gens du paganisme dans le sens de l'animisme, dans le sens du chamanisme, pour les enligner vers quelque chose de plus organisé par l'intégration des aspects cycliques, structurels de la nature. Puis c'est normal que ce soit ces vieilles forces-là qui vont participer à ça parce que c'est proche, ça vibre proche, puis bon. Mais. Il reste que, oui, je sens ces affaires-là, dans le sens que ça paraît, dans le sens que ça transparaît même. Que, il y a quelque chose, les gens ont plus la même accès, ont plus les mêmes structures au niveau spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus, ils ont rejeté l'Église dans beaucoup de pays, puis, mais l'Église, entre autres, a servi à évacuer de l'angoisse. Donc, oui, la religion verte, il y a des gens qui vont être des écologistes très, très ardents, que s'ils étaient venus au monde 100 ans avant, ils auraient peut-être été ardents dans d'autres choses, parce que Dans il y a la une religion, mécanique. il aurait pu avoir une ferveur religieuse très forte, puis être des intégristes religieux. C'est ça, dans le sens qu'il y a eu un transfert de l'énergie. Parce que la personne n'a pas le même contexte. Mais il reste que c'est encore inconscient, ces affaires-là. Parce que c'est le contexte qui a fait où va l'énergie. Oui, ça oriente Donc, l'énergie, le contexte. c'est ça, c'est pas encore l'individu qui donne une direction à son énergie, parce qu'il y a une grande partie de tout ça qui est inconscient. Pas inconscient dans le sens, mais inconscient dans le sens que la personne. Elle voit pas elle-même, elle se voit pas. Non, c'est Elle ça. peut pas avoir une objectivité sur son propre contexte. Exactement. Et puis, il est programmé malgré elle. Là, ce que je vois présentement, c'est qu'on programme les jeunes à devenir des êtres éco-anxieux, avoir peur des Ça. changements climatiques, peur de la pollution, ces choses-là. Puis encore là, c'est lié à de la manipulation des masses, beaucoup à mes yeux. Parce que regarde. On va prendre comme les Ménonites en Ontario. Ils vivent d'une façon écologique, eux autres, puis ça fait depuis le 19e siècle. Mais ils n'ont pas eu besoin d'être écologistes. Mais ça, c'est, excuse-moi, je les connais pas, eux autres. C'est-tu comme les C'est comme Quakers? des. Bon, c'est comme des Amish. OK. Les sectes allemandes, là. C'est du monde, ils n'ont pas l'électricité, puis ils vivent de la terre. Mais eux autres, ils n'ont pas eu besoin du mouvement hippie, ils ont pas. Mais c'est des vieilles affaires qui reviennent sous des nouvelles formes. Qu'on le veuille ou pas. C'est juste ça. L'éco-anxiété est liée à une anxiété existentielle. Comme par exemple, les Amish, ils veulent pas l'électricité parce que pour eux autres, ça appartient au monde de Satan, qui est le prince de la Terre. Puis là-dessus, au niveau de la forme, ça manque de subtilité, mais sur le fond, ils n'ont pas tort sur tout. Mais il reste que c'est toujours lié à l'angoisse, l'évacuation d'angoisse, puis c'est inconscient, c'est des procédés inconscients. L'être humain, il ne sait même pas pourquoi il agit, souvent. Puis il va avoir une émotivité là-dedans. Va dire à un éco-anxieux que toi, de temps en temps, tu mets une affaire recyclable au vidange parce que cette journée-là, t'as pas le temps. Puis check-le, venez choquer, puis. Ah ouais, c'est ça, il peut te faire une crise comme autrefois, tu aurais dit à un prêtre que tu as commis un péché, puis il serait pas content. Ouais, ben là. Mais plus, je dirais, un fervent qui croit à ce que le prêtre dit. Parce que l'écologiste, c'est pas un. Parce que ceux qui sont à la tête des mouvements, eux autres, c'est parce qu'ils sont financés puis ils ont des intérêts souvent. Parce que l'affaire, là, pendant que nous autres, on est éco-anxieux à trier nos poubelles, t'as des industriels qui s'en calissent, puis c'est eux autres le problème. C'est pas chose dans sa cuisine qui met l'affaire dans le mauvais bac, le problème, là. C'est pas eux autres qui polluent vraiment. Mais c'est mineur l'impact qu'ils ont, puis les impacts Ben oui. majeurs avec le, tu sais, que ce soit l'exploitation des gaz de schiste, entre autres aux États-Unis, où il y a d'autres technologies extrêmement polluantes, ben, ah non, ça, on ferme les yeux. Il y a une mécanique de fragmentation de la responsabilité. Puis pendant ce temps-là, les vrais responsables, les vrais irresponsables, eux autres sont tranquilles. Il n'y a pas beaucoup de réglementation de l'industrie comparativement à quel point aujourd'hui il y a une dictature de l'écologie dans la vie du petit citoyen. Sinon, je voulais t'amener à te prononcer, à savoir si selon toi, il y a des changements climatiques qui sont fondamentalement provoqués par l'être humain, donc l'activité humaine, la production de gaz à effet de serre, comme cherchent à nous faire croire là, les gens derrière la COP 26 qui disent que c'est l'activité humaine qui nous met en danger. Ben moi, je pense que la planète est réchauffée pour des raisons de cycle, mais aussi artificiellement en partie. Mais que c'est pas au niveau de gaz à effet de serre. C'est au niveau de microparticules qui sont relâchées dans l'atmosphère. Mais là, j'ai pas envie de vraiment tomber dans ces affaires-là. Mais il reste que, normalement, au niveau des cycles de la planète, c'est supposé se refroidir, là. Puis si tu vas voir dans les années 70, les scientifiques y apeuraient le monde avec un refroidissement. Puis de toute façon, on ne parle plus de refroidissement, de réchauffement, ils parlent de changement. Oui, exactement. L'expression s'est modifiée avec le temps. Par contre, si je regarde par rapport à l'actualité présente, on nous parle beaucoup de COP26, où les leaders du monde sont réunis. Puis là, ils disent ça, oh, si ça augmente de quelques degrés, là, on va connaître une situation irréversible. Puis ça va être très grave, les dommages. Puis on est sur le bord du précipice. Il est minuit moins 5. Puis. Comment ça se fait que l'autre, le démocrate aux États-Unis, Al Gore, qui avait Oui. fait son film, puis tout lui dans sa vie privée, quand on regarde ça, c'en est un qui agit d'une façon irresponsable. Dans le fond, ce que je veux dire, oui, il y a une responsabilité humaine là-dedans, mais le petit citoyen là, moyen, il n'est pas au courant des possibilités de ce que certains humains font sur Terre, puis il n'est pas au courant d'une partie de la technologie qui existe sur Terre, puis il n'est pas au courant d'une grande partie des ajustements sur Terre. Parce que oui, il y a de la responsabilité humaine là-dedans. Mais est-ce que ça fait partie d'une mise en scène, possiblement aussi? Mais ça, il faut avoir la capacité de le voir. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qui sont cachées au plus grand nombre, tout simplement. Mais il y a des affaires qui se passent que si là, on rendait public là, tout ce qui n'est pas su là, demain matin, ça serait la panique. Le monde virait fou. Non, exactement. Mais tu sais, présentement, ce qui me fait rire avec les discussions qui ont cours, c'est qu'il y en a qui vont dire, ben là, pour réduire les gaz à effet de serre, on va utiliser le nucléaire. Mais il n'y a jamais personne qui vont dire, on va utiliser de la technologie extraterrestre ou d'autres technologies qui ont déjà été perçues avec l'archéologie interdite, entre autres. Ben là, juste de la technologie terrestre là, que les brevets sont empêchés d'être exploités, puis tout, là, on serait correct. De toute façon, on nous met sur un paquet d'affaires. Ben, je t'avais envoyé une vidéo, le monsieur, il mange de l'uranium en conférence, là. Oui, c'est vrai. Donc, il y a certains. Lui, il raconte qu'il se baignait dans les piscines de refroidissement. Il n'est pas mort d'un cancer. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Puis qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous garder dans une certaine optique. Puis l'énergie nucléaire, moi, à mes yeux, on l'a rendue mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle fournissait énormément pour un coût pas si pire. Puis c'est comme il y a une compagnie française qui était supposée à Tchernobyl de fabriquer des caissons de béton pour mettre des anciennes tiges là, de centrales. Notamment, je pense, à Tchernobyl, puis tout ça. Puis la société est obligée de réengager une autre compagnie parce qu'elle avait fait ça tout croche, mais possiblement que la société française qui avait fabriqué les caissons était au courant que ça n'a pas besoin d'être parfait. On en a mis pas mal. Parce qu'il y a un paquet de places où il y a eu des cataclysmes nucléaires, puis Il y a du monde qui vivent là, puis ils n'ont jamais de problème. Comme à Tchernobyl, là, il y en a une dame là, qui vit là, elle est rendue bien vieille, puis là, ça, j'ai jamais parti, elle a refusé de partir, puis elle va bien. Il y a bien des monstruosités à Tchernobyl qu'on attribue aux radiations, puis c'est à se demander s'il n'y a pas eu, pour des intérêts quelconques, des gens qui se sont arrangés pour qu'il y ait des mutations. Puis il y a un paquet de choses que c'est bien Ben oui, difficile ben c'est de. sûr qu'il y a des lobbies pour l'industrie du charbon, du pétrole, qui ont intérêt à discréditer les formes de technologie ou d'énergie alternative. Ben, rendu à un certain niveau, quand tu t'es rendu à un certain niveau, il y a juste il y a juste une gang. Puis en bas, tous les lobbies, puis tout ça, c'est comme des pions sur un jeu d'échecs. Puis si tu veux garder un mouvement constant, puis tu changes l'énergie de structure. Donc, tu vas être porté à faire en sorte de détruire des marchés, en faire d'autres, puis après, tu retransfères ça, tu ramènes un marché, tu détruis l'autre. Puis tu promènes l'énergie de même d'une structure à l'autre. Ça, c'est de la science luciférienne. Mais en même temps, Vraiment, là. de faire transporter l'énergie d'un secteur à l'autre, ça occasionne des pertes d'énergie. Tu sais, tu défais des structures, des bâtiments, des Mais infrastructures. non, parce que la structure, à un moment donné, tôt ou tard, elle va atteindre son plein potentiel. Puis t'es aussi bien de la détruire, d'avoir le contrôle, de la détruire, puis de retransférer dans une autre structure. Regarde la voiture électrique, il y en avait partout en Amérique dans les années 30. Ça fait longtemps que ça existe, la voiture Ah électrique. oui. Puis c'était très efficace, là. Les voitures électriques de ce temps-là avaient plus d'allure que celles qui vendent là. Au niveau de l'ergonomie, de la fabrication, puis du rechargement des batteries. C'est une vieille, vieille, vieille, vieille technologie. Puis ces voitures-là, des années 30, à un moment donné, il y en a, ils ont détruit ce marché-là parce que là, c'était les lobbies du pétrole, puis là, ils ramènent les lobbies de l'électricité pour les. Pour les Donc, automobiles, ouais. ben oui, mais tu sais, on nous vend comme nouveau des affaires vieilles. C'est des vieilles, vieilles affaires. On nous Puis maintient pendant ce dans une temps-là, c'est technologie, ça. là. Puis pendant qu'on est gardé notre attention sur la transition technologique qu'on cherche à nous vendre, on réalise pas que derrière la technologie ancienne puis nouvelle, c'est les mêmes forces astrales qui se trouvent. Moi, ben, tu sais, parce que t'es même clic. Ben, si j'amène ça du très très occulte, là, c'est que derrière tous les lobbies, si la personne est influencée par des forces luciférienne ou satanique, ben, ils sont rattachés à un égrégore d'énergie relatif à la Terre. Influencé, c'est parce que il existe des initiés sur Terre qui sont au courant des plans, qui savent très bien. C'est pas de l'influence, là, c'est de la collaboration. Parce que une planète expérimentale, tu vas avoir dans le top une clique de prêtres-rois. Ce qu'on pourrait appeler des prêtres-rois, c'est-à-dire des gens qui ont une autorité temporelle, puis mais aussi spirituelle dans le sens qu'ils collaborent avec des forces, qu'ils sont au courant là, des plans. Ils savent que, je veux dire, ils collaborent avec. Puis c'est pas une collaboration inconsciente dans le sens qu'ils sont pas au courant, là. C'est pas de l'influence à leur insu, là. Nous autres, on est influencés à notre insu, si on prend les masses, la La masse avec le population. conditionnement social de la télévision, mais je comprends Ouais. qu'il y en a qui savent sciemment qu'est-ce qu'ils font, mais à mon avis, ces êtres-là sont pas nécessairement, même s'ils ont une certaine conscience totalement libre, parce que pour moi, l'individu Ben non. qui a vraiment une identité réelle, il pourrait pas collaborer à ça, là. C'est parce qu'il y en a qui sont. Ça fait partie de leur programmation, puis c'est quelque part un mandat qu'ils ont. Puis ça fait partie de choses qui ont été décidées dans l'invisible. Dans le sens qu'il y a du monde qui vient au monde, puis ils n'ont pas le choix. Dans le sens que ils sont là pour ça, là. Sont incarnés dans le plan matériel pour ça. Donc, ils vont pas dire, ah ben là, j'ai une nouvelle identité, puis je veux plus faire ça. Ils peuvent pas, parce que psychiquement, au niveau de leur structure psychique, c'est impossible. Ils l'acceptent totalement ce qu'ils font, en sachant ce qu'ils font, parce qu'ils sont structurés psychiquement pour faire ça. Ça fait partie du karma de la planète. Ça fait partie du. Puis eux, en tant que force de gestion sur Terre, jusqu'à un certain point, de leur point de vue à eux, ils font rien de mal. Puis c'est juste normal ce qu'ils font. parce que l'être humain, il est pas, en général, il est pas au courant des plans. Le monde, ils le savent pas que il y a des plans de la mort, puis ça ressemble énormément au plan matériel, puis qu'il y a une gestion de l'énergie à travers les plans, puis que les gens, en général, ils vont trouver abominable des choses qu'au fond, c'est vu des plans, c'est banal. Là, je ne suis pas en train d'approuver tout ça, mais je le sais qu'il y en a qui savent, puis qu'ils font ça sciemment, puis ce n'est pas parce qu'ils sont inconscients. Ils sont pas conscients à d'autres niveaux. Mais sont plus conscients que le monde en général, Non, même si non. ce qu'ils font, ça n'a pas d'allure. Non, non, c'est ça. Ils peuvent avoir une conscience intellectuelle, mais ils n'ont pas une conscience cosmique, vibratoire, Ah, éthérique. c'est pas rien qu'une conscience intellectuelle, ils savent c'est quoi l'éther, puis tout ça, ils sont au courant de tout. Ben, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont une compréhension en appartenant à des sociétés secrètes, voire discrètes, de certains Ah, ce que je éléments. parle, c'est au-delà là, de ça. Bien en haut des sociétés secrètes. Là, c'est pas en te faisant initier d'une société secrète, là. Il faut que tu sois né dans une caste. Oui, non, là, C'est je comprends ce que complètement. tu veux C'est dire, lié là, à c'est ta un autre niveau. génétique. Ouais. C'est complètement, là, c'est les paliers, ce qu'il y a de plus haut, là, le top, là. Que ça, là, même ceux qui ont étudié toute leur vie les sociétés secrètes ne sont pas nécessairement au courant qu'il y a ça, là, qui existe. Parce que c'est une race de seigneurs. Fait que ce qu'on appelait anciennement la race des seigneurs, mais pas au sens politique comme certains groupuscules l'ont amené, là, au sens d'une réalité, que les prêtres rois, dans le sens comme ça existe depuis le début du cycle, là. Mais c'est lié à leur génétique. C'est lié à leur ses filiales. C'est Oui, pas ben n'importe c'est qui est. qui peut faire ça, c'est sûr, comme la lignée royale, par exemple, en Angleterre, qui va régner de droit qu'on dit divin pour se donner une forme d'autorité. Puis là, c'est sûr que les gens vont dire, ben c'est parce que leurs ancêtres, c'est des extraterrestres qui sont venus sur la Terre puis qui étaient vus comme des dieux. L'affaire là, des extraterrestres, là, Oui. ça camoufle bien des choses parce que le monde ne comprend pas qu'il y a des humains. Comme toi puis moi qui peuvent venir d'ailleurs que la Terre. Mais ce n'est pas des extraterrestres au sens où on nous l'entend par la fiction. Fait que l'affaire, là, parce qu'il y a tout, t'as dans ce qu'on pourrait appeler des extraplanaires, c'est-à-dire que tu vas avoir des âmes qui sont pas humaines, qui peuvent intégrer un corps humain pendant une incarnation. Ils vont s'incarner dans un corps humain. Ce monde-là, c'est pas des extraterrestres. Mais leurs ancêtres étaient le même type d'âme, mais c'est pas des extraterrestres. Non, Mais non, c'est certain que le je comprends ce corps que n'aura pas tu veux le dire. même ADN. Ouais. Oui, parce que si la personne vient d'une autre planète, ben, elle va partir avec un bagage mémoriel différent que celui qu'a connu des incarnations successives sur Ah, Terre. d'un autre plan que nous autres, on vient. OK. Quelqu'un qui fait le yo-yo depuis. Qui fait de l'énergie qui fait le yo-yo entre l'astral et la Terre, c'est pas la même affaire que du monde qui vient de d'autres plans que ça, puis qui s'incarne sur la Terre, mais, tu sais, avec un mandat de gestion, là. Dans le sens que l'astral planétaire qui appartient à notre planète, il y a certains humains particuliers qui vont, oui, être des extraterrestres, mais au sens où leur âme n'est pas liée à l'astral de notre planète, à nous autres. Dans le sens que les mondes de la mort qui est dans les états de la planète, l'astral, ça, Oui. c'est ce qu'on pourrait appeler des intelligences, les autorités non humaines qui ont autorité là-dessus, ce qu'on pourrait appeler des intelligences sataniques. C'est lié à ce qu'on pourrait appeler l'autorité normale au sens des lois sur notre planète, le prince de la Terre. Tandis que tu as du luciférien et tout. Ça vient pas de l'astral planétaire. Dans le sens, au sens Lucifer, au sens, il y a de quoi d'extraterrestre là-dedans, mais pas au sens où on nous l'a appris dans la fiction, là. Dans le sens que tu as des groupuscules qu'on pourrait qualifier en guillemets de sataniques, mais eux autres, ils n'ont pas accès à des machines qui dépassent les éthers de la Terre, là. Ils n'ont pas accès à des vaisseaux spatiaux. Ah non, c'est parce que là, c'est faire la différence entre les patrons et les employés. Dans le sens que on a tout le temps été sous tutelle, on a tout le temps été sous curatelle. Pourquoi? Parce que c'est de même, ça marche malheureusement encore. Pourquoi? Parce que l'être humain est inconscient. dans le sens, ce qui s'incarne ici, là, c'est une sorte de prison. À un moment donné, j'avais fait une vidéo, puis je montrais la planète comme un grillage. C'était comme une prison, là, tu sais, c'était une planète, mais on voyait des barreaux comme en grillage dessus. Ben, on est comme des prisonniers en quarantaine, d'où le concept de C'est quarantaine ça. planétaire. C'est ça. Puis les geôliers, ben, sont. C'est des geôliers, dans le sens que ils gèrent de l'énergie inconsciente. Puis eux-mêmes sont d'un type, certain type de conscience apte à faire ça. Mais le fait est que c'est vrai que c'est une prison. C'est une Justement, prison ici. ouais, justement, ça m'amène à te parler parce que dans le fond, je voulais aborder aujourd'hui on est presque rendu à 2 ans là, de crise sanitaire. Et c'est sûr que là, ça va être la partie sur Odyssey là, qui va s'enchaîner. Donc, les gens qui nous écoutent, je vais vous proposer d'aller au lien là, en bas de l'enregistrement pour la suite. Donc, par rapport à la crise sanitaire, presque 2 ans après. On a été mis en quarantaine au début, hein, avec les confinements successifs. Il y a différentes mesures. Puis là, on est rendu à l'étape d'implanter l'identité numérique avec le code QR au sein de ce que je perçois toute la population. C'est-à-dire, on veut vacciner tout le monde, les personnes âgées, les gens en quarantaine, et là, les 5 à 11 ans, pour que, moi, c'est un scénario, puis je voulais que tu commentes là-dessus. La façon que je vois ça, l'idée de vacciner systématiquement toutes les catégories de la population, c'est d'amener tout le monde à avoir un code QR pour la transition vers l'identité numérique. Puis, à quelque part, pendant qu'on est occupé à se dire, ah, est-ce qu'il y a des cas de COVID? Est-ce que le vaccin, c'est des effets secondaires ou non? Derrière ça, il y a le système qui veut s'implanter de l'identité numérique universelle. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de cette théorie-là. Ben moi, à mes yeux, c'est le but depuis le début. OK. C'est ce que je pensais depuis le début. J'ai tout le temps pensé que c'était pour des raisons de contrôle. Parce que moi, c'est ce que j'ai l'impression. Tu sais, j'écoute des lanceurs d'alerte, puis là, ils vont dire, ben, regarde, pour un enfant de 5 à 11 ans, tu sais, avoir le vaccin, c'est pas un avantage. Il en meurt pas, des enfants. Doc Mayu a déclaré ça publiquement sur YouTube, des enfants qui meurent de la COVID, il n'y en a pas, il a été censuré. Ah oui, mais le Doc Mayou, il est dans des patentes, mais c'est des petites patentes. Fait qu'il se révolte encore des fois. Mais l'affaire, c'est que c'est des esclaves. Là, on est des esclaves. Bon. Puis là, à cette heure, ils ont mieux que le marquage au fer rouge. La technologie est rendue plus loin que ça. Fait qu'ils veulent l'appliquer, puis ça prend des justificatifs pour que les gens continuent d'être dans l'illusion que leur consentement vaut quelque chose. Bien, c'est ce point-là que je voulais amener, la fabrication du consentement social, à quel point on est rendu loin, dans le sens qu'au moment où on se parle, on est au mois de novembre 2021 et on est sur le bord là, d'avoir l'autorisation au Canada pour la vaccination massive des 5 à 11 ans. Et là, il y a eu Réinfo-COVID, là, que c'est un groupe de Québécois, là, il y a des pharmaciens, il y a des médecins là-dedans, dentistes. Et là, ils disent, ah, regardez, attention, là, il peut y avoir des effets secondaires plus graves chez les jeunes vaccinés de la vaccination que d'attraper le COVID. Et ça, c'est pas relayé dans les médias. Puis moi, j'ai l'impression qu'on est sur le point de commettre une erreur très grave au niveau social, d'insouciance, qui va amener des problèmes de santé très graves chez les enfants. C'est parce que là, c'est plus une pandémie, là, c'est un test de conscience, au sens de niveau, de capacité de discernement de ce qui se passe. Parce que eux autres, ceux qui ont décidé ça, qui allaient imposer ça, puis c'est planétaire, là, ils s'en calissent de vos enfants. Ils s'en calissent des enfants, ils s'en foutent. C'est à un autre niveau, là. Mais c'est ça que j'ai l'impression, c'est-à-dire que ça a un impact négatif ou non, qu'il y ait des myocardes, des pyrocardes, parce que ça a été quand même décrit, S'en là. foutent. Ben c'est ça, moi j'ai l'impression que la primauté, c'est la mise en place du système, C'est qui ça. est l'identité numérique, qui est en relation avec le code QR, et de normaliser l'idée qu'à chaque fois qu'on entre dans un commerce, comme par exemple un bar, un restaurant, une salle d'entraînement, on soit scanné. Ça devienne une norme sociale et même désirable qu'à chaque fois qu'on voyage, on soit scanné, puis quand on se fait scanner, on se sent en sécurité. Pourquoi qu'anciennement, quand il y avait des allégories de devenir serviteur de des forces, il y avait tout le temps une notion de consentement et de pacte. Fait que C'est parce que y a les plans, justement. Dans le sens que c'est pas juste les corps puis l'identité, là. Un être humain, c'est multidimensionnel. Fait qu'il faut qu'il y ait un consentement au niveau de son âme. C'est ça que ça vaut la signature. C'est ça que ça vaut le consentement. C'est ça que ça vaut dans le sens de si tu te prêtes puis que tu acceptes puis qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui se manifeste pour t'enlever la vibration de le faire ou bien de te mettre en vibration pour que tu t'opposes, t'es faite. Dans le sens que tu vas, tu sais ça, tu as un consentement à faire partie de quelque chose où tu vas avoir une perte d'identité. Il va y avoir tout, là. C'est une perte d'autonomie, c'est une perte de. C'est Mais en de même temps, nous donner. fait miroiter le gain de l'identité numérique et de la Oui. sécurité liée au code Mais QR. c'est comme pour le reste, on va tout le temps te montrer les bons aspects. Il faut qu'on te vende. Mais Faut moi, ce que je trouve qu'on. aberrant comme situation, puis je dis aux gens qui m'écoutent, moi, je suis dans le fond pro-choix, là, je suis pas contre la vaccination ou pour, mais je constate qu'il y a des spécialistes qui disent qu'il peut y avoir plus d'inconvénients que de bénéfices pour les enfants. Puis je mettrai le lien là, de Réinfo COVID, des gens crédibles, là, des gens qui ont 20 ans, 30 ans de pratique. Ben, Ils sortent publiquement, c'est pas relayé par. n'importe qui a toute sa tête, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat. Je veux dire, pas besoin d'être un spécialiste, là. T'en connais-tu, toi, des enfants morts du COVID? Ben non, mais j'en connais pas, puis probablement que Non. les gens qui nous écoutent non plus. Fait que là, les gens Ben vont oui, dire. mais pourtant, il y en a des témoignages, il y en a que, bon, il y a eu des. Au niveau de leur inoculation, il y a eu des. Puis même là, les médias sont tout le temps en train d'essayer de faire à croire que c'est d'autres choses. Mais oui, mais là, on le voit au niveau statistique dans certains pays où qui ont commencé. D'abord, il y a des anomalies statistiques, là. Là, l'affaire, là, c'est que les masses sont en train de prouver qu'ils n'ont pas la responsabilité, ni le discernement, ni l'intelligence d'avoir autorité sur leurs enfants. Puis tout ça va servir à montrer que les parents ils ont pas de discernement, dans le fond. Puis, je veux dire, il y a tout à perdre là-dedans, puis ils viennent à bout de vendre ça comme avec des idées d'avantage. Il n'y a rien qu'à des pertes là-dedans. Ben c'est ça. Moi, je vois pas l'avantage, en tout cas, de soumettre un enfant un traitement expérimental qu'on connaît pas les effets à moyen puis à long terme sur sa santé puis la sécurité de ça aussi, alors que l'enfant est pas, selon les statistiques que j'ai eu accès, à risque de mourir là, de la COVID. C'est parce qu'en haut, en haut, en haut, ils considèrent que c'est de la ressource humaine. C'est pas vos enfants, c'est leurs enfants. C'est des enfants d'esclaves. Puis C'est pas justement, grave à ça. leurs yeux qu'il y ait des pertes, là. Ouais. Quand tu sais, admettons que tu te mets à marquer au fer rouge les enfants de tes esclaves parce que là, ils commencent leur formation de futurs esclaves adultes, tu t'en calisses qu'au niveau de la brûlure du marquage au fer, il y en a une couple qui meurt d'un choc nerveux. Au niveau du rendement, si tu regardes au niveau d'un rendement à long terme, c'est des petites pertes collatérales. Je comprends que dans un esprit de calcul, c'est des pertes marginales. Par contre, c'est sûr pour la mère de la famille qui peut perdre un enfant pour des problèmes cardiaques ou autres, ou que son enfant reste handicapé ou limité, pour elle, ça va être un drame humain et là, horrible. Ouais. Puis les gestionnaires en haut, ils vont dire, ben oui, mais comme ça, on fait une sélection, puis ceux qui sont faibles génétiquement, il faut les éliminer, ils feront pas des bons esclaves de toute façon. Donc, autrement dit, ceux-là qui ne tolèrent pas l'injection. À ce moment-là, qui sont plus fragiles, ben, ah, Toute façon, ils veulent une gestion au niveau, il y a un surplus, de toute façon. Ça manque pas des humains, là, il y en a trop, là. Ça va être dur à gérer qu'ils trouvent eux autres. Faut qu'il y en ait un petit peu moins, ça va gérer mieux. C'est ouais, pas ben. pour. Hein. Ils font tout pour baisser le taux de natalité. C'est dans la bouffe du monde, c'est même des produits chimiques qu'ils mettent pour laver le linge. Puis après ça, ils disent, ah, oh, le niveau de spermatozoïdes ne cesse de baisser. Ben oui, mais Chris, c'est tout voulu. C'est tout pensé. Et le monde, elle aime pas. Non, Ben oui, mais c'est une exactement. planète de... Ben c'est sûr que dans le fond, les produits chimiques auxquels on est exposé régulièrement, dans quelques générations, vont sans doute rendre l'humanité majoritairement stérile. Puis là, pour Ben... avoir des enfants, ça va prendre des permis de reproduction donnés par les autorités planétaires, peut-être à un moment donné, Et là. voilà, la prison, là, il y a trop de détenus. Fait que là, il faut qu'il y ait un roulement, ils veulent en renvoyer des hommes sur les plans. pour gérer ça, qu'eux autres, ils gèrent ça, là, l'autre bord, là, ils vont gérer ça. Il y en a qui vont aller. Parce qu'au niveau mécanique, ils considèrent qu'il y a trop. Puis il y a une protestation, on dirait, des gestionnaires par rapport, ben là, j'ai trop de détenus à gérer. Puis c'est pas de main, il y a trop de monde pour la main-d'œuvre que j'ai besoin. Dans le sens qu'ils Pour sont mettre. surchargés. Hein? Mais c'est là où ce que. Ils vont finir. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des plans plus haut, qui n'ont pas connaissance. Puis eux autres, ils considèrent qu'il faut changer de gestionnaire. Mais de toute façon, ça achève. Mais à notre échelle, à nous autres, ça achève pas, là. Non, Dans le exactement. sens qu'on ne le verra peut-être pas de notre vivant. C'est Mais ça. il reste qu'à un moment donné, là, si les gens y allument pas, je veux dire, j'ai vu des vidéos, là, les enfants, ils pleurent. Puis ils crient, puis ils se mettent à 4-5 pour les ramasser, puis les vacciner de force. C'est parce qu'intuitivement, il y a une intelligence qui se manifeste dans l'enfant, puis vibratoirement, il sait que c'est de la merde. Fait, c'est épouvantablement violent. Moi, je regardais ça, puis je shakais, là, j'ai bien de la misère. Parce que je sens la vibration, là, de la terreur. Oui, et puis la Parce que. souffrance que vit l'enfant, c'est abominable, c'est traumatique. Là, c'est. C'est dégueulasse. C'est épouvantable. Je veux dire, c'est l'horreur totale, là. Puis pourtant, ils vont aller de l'avant. Puis regarde, là, avant, c'est drôle, hein, pour que là, à cause de entre guillemets, les changements climatiques, il fait moins froid que d'habitude pour le temps de l'année. Puis c'est drôle en même temps, le fait qu'ils autorisent cette inoculation-là va arriver quand il va commencer à faire froid pour vrai, là. En même temps que certaines saisons De grippe. naturelles. Parce que là, ça n'a aucune crise de logique. Parce que depuis 30 ans, on aseptise beaucoup, puis on désinfecte beaucoup. Ils ont montré des enfants qui n'ont pas de système immunitaire, puis qui sont allergiques à tout. Puis ils sont en train de nous expliquer que pour leur santé, il faut lui mettre un masque, puis lui mettre du Purell 100 fois par jour. Il y a de quoi qui ne marche pas. Ils vont fabriquer des êtres de plus en plus faibles. Puis c'est complètement stupide, c'est même pas logique. Même n'importe quel virologue peut le voir ça, à moins qu'il soit complètement. Tu sais, je veux dire, c'est tellement con, c'est tellement con, c'est tellement cave. Moi, je suis pas vraiment choqué tant que ça contre les gouvernements, je suis même plus choqué contre le monde en général, qui disent rien, puis ils trouvent que c'est logique, puis parce que pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans la mécanique d'évacuer de l'angoisse, puis de se conforter dans un paradigme qui les rassure. Oui, le narratif officiel, c'est très sécurisant pour la masse de suivre ça. Par contre, Ben, le... c'est comme, Oui. admettons, là, quand tu vois de quoi qu'il n'y a pas d'allure, je le sais-tu, moi, une chèvre avec une tête de femme qui vole dans le ciel, ben tu vas tout faire pour rationaliser puis trouver une explication, même si ton explication a encore moins d'allure que ce que tu as vu. Oui, exactement, c'est un mécanisme de défense. C'est ça. Mais justement, parlant d'explication, je voulais avoir ton commentaire sur François Legault qui avait déclaré il y a plusieurs jours que lui, dans le fond, il accepterait jamais s'il était patient là, de se faire traiter par une infirmière non injectée. Puis il fait Ben la lui, il propre. dit n'importe quoi pour des raisons d'un discours. Mais c'est ça, mais quand même, c'est le premier ministre du Ça veut pas dire qu'il Québec. pense ça. Mais en tout cas, je veux dire, c'est étrange ce qui est dit, puis moi, je comprends pas pourquoi que les gens sont pas révoltés. C'est-à-dire que là, il est en train de faire une classe de ceux qui sont injectés puis non injectés. Fait que là, l'infirmière qui est non injectée, elle, non, on va plus la voir dans les milieux. Là, ils ont essayé d'empêcher les gens C'est qui... complètement stupide. De toute façon, le monde, c'est pas contre François Legault que je suis choqué, parce que lui, il sait qu'il a réussi à créer un court-circuit du sens critique puis du raisonnement chez les gens, puis il agit en parlant comme ça selon un but. Mais moi, ce qui me choque, c'est les gens qui. Tu sais, je veux dire, on sait que l'inoculation n'empêche pas d'avoir le virus puis de le transmettre. Puis lui, il dit au monde, il dit, moi, je veux pas être soigné par quelqu'un qui est testé 3 fois par semaine puis qu'on sait qu'elle l'a pas. Je voudrais être soigné par quelqu'un que elle est inoculée avec quelque chose qui empêche de l'avoir, qui empêche pas de l'avoir puis de le transmettre puis qu'on sait même pas si elle l'a ou elle l'a pas. C'est totalement illogique. Puis Oui. ça montre comment que il court-circuite le raisonnement, le sens critique, puis c'est des décennies d'éducation publique de mauvaise qualité qui ont rendu ça possible, des décennies de répétition de choses illogiques puis pas intelligentes par la télévision, puis la radio, puis les journaux. Je veux dire, c'est des décennies d'hypnose collective puis d'induction qui rendent ça possible. Puis je suis en colère, même pas contre les gens en général, mais contre leur propre force dans l'invisible qui se manifeste pas pour leur créer des chocs pour qu'il y ait une intégration de force de la réalité. On Parce peut. que Oui. quand la masse sera fait pas ça, quand il n'y a pas ce mécanisme-là dans la masse, moi, en tant qu'individu, en tant qu'individualité, il faut que je subisse l'inconscience de la masse planétaire. C'est là que je deviens en colère, pas contre les gens, mais contre les forces dans l'invisible qui participent à ça. Puis aussi, le fait que, comme lui, Legault, j'ai bien de la misère à être choqué pour, je trouve qu'il fait pitié. Je voudrais tellement pas être à sa place, j'aime bien mieux être à ma place qu'à la sienne. Ce monde-là, ils font tellement pitié. Ils sont faits, là, ces autres-là, Ben, ils n'ont pour... c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que là, présentement, François Legault, Arruda, si, dans le fond, ils font la promotion d'une vaccination de masse dont ils ignorent les effets à moyen et à long terme, si à un moment donné, ça tourne mal, puis il y a des problèmes de santé relatifs à ça, ben, je donne pas cher, là, de leur situation personnelle, là, parce que Pas là, il juste ça, c'est que on vit dans notre incarnation en fonction de la pointance de ce que l'énergie va faire après sur les plans. OK. Puis c'est ça qui se cachait derrière la croyance spirituelle de faut gagner son ciel. Mais c'est naïf, ça, faut gagner son ciel. Mais il y a des conséquences, il y a des lois de conséquences par rapport à de la façon dont tu as géré ton énergie, puis tu as mené ta vie, puis que tu as été capable de rayonner ou pas dans le plan matériel pendant ton incarnation. Puis ces conséquences-là sont effectives après sur la vie, sur les plans. Puis ce qui va arriver de l'énergie après, puis où elle va aller. Puis c'est pour ça que je ne voudrais pas être à sa place. Parce que lui, là, et ce monde-là, c'est non seulement sont pas dans des sont pas dans une mécanique évolutive de l'énergie, au contraire. Mais en plus, ils viennent de je veux dire, il y a des lois de conséquence. Non seulement ils démontrent leur petitesse, le fait que c'est des formes de vie extrêmement primitives, mais en plus, il va avoir des lois de conséquence dans le sens qu'ils vont avoir, après, ils vont avoir la mémoire. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, après, il y a la mécanique des lois de l'âme. Tu sais, c'est pas drôle. En tout cas, Mais ça fait juste pitié. à un niveau de plus de base, présentement, au moment où on se parle, il y a un procès. Il y a eu Horacio Arruda qui a eu à témoigner, entre Oh, c'est autres. une enquête d'une coroner, c'est pas un procès. Excuse-moi. Tu as raison, c'est une Ben. enquête d'une coroner en lien que la maltraitance des personnes âgées là, qui aurait pu mener à la mort là, lors du printemps 2020 au Québec dans les résidences de personnes âgées. Donc, à ce niveau-là, ils ont une responsabilité, c'est sûr, là, par rapport au contexte Ça qui. donnera rien. Je veux dire, les coroners, les juges sont nommés, là. Ils sont pas élus. Puis, gars, même la bâtonnière, à un moment donné, la bâtonnière, la femme de Marc Bellemare, elle m'a dérogé un petit peu des lignes qu'on lui avait données. Puis là, ils ont détruit sa vie. Ah, voler des jeans. C'est aussi niaiseux que ça. C'est comme là, gars, là, Agnès Maltais, ils font tout pour qu'elle témoigne pas. Elle a reçu ordre de pas témoigner. C'est pour ça que là, elle a mal à la patte, là, puis elle est fatiguée. Tu sais, elle est trop en convalescence pour aller témoigner devant le coroner qu'elle pourrait faire ça Par par Zoom ou par Internet, écran, ouais. oui. Mais elle est encore capable d'être ministre. Elle n'est pas relevée de ses fonctions, puis elle gère encore son ministère. Si le monde sont trop caf pour se rendre compte que ça se tient pas, que ça n'a pas d'allure, puis qu'ils font rire d'eux autres. Tu sais, je veux dire, ça va être de la merde, cette enquête-là. Moi, Ben moi, je suis plutôt pessimiste aussi là, sur les retombées réelles. Puis moi, j'ai l'impression que tout le monde va se décharger de la responsabilité en disant « Ah, ben là, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu une pandémie comme ça. » Puis C'était nouveau, c'était nouveau. blablabla. Oui. Hey, moi, dès le début, je le disais, j'ai dit la façon qu'ils gèrent ça va causer plus de morts que C'est le le virus virus. en tant que Juste tel. dans ma région, il y a eu pas mal plus de suicides que de morts du COVID quand on regarde les statistiques, là. Fait que, puis ça, on l'avait dit il y a 2 ans, même plus que 2 ans. Puis j'ai commencé à en parler, c'était même pas sorti de la Chine. Puis je le savais, ça s'en venait. Puis j'étais là à insister, ça m'inquiète pas. Parce que je sais, ça marche avec l'inquiétude. Oui, je C'est pense plus que on s'inquiète c'est en de ça. février 2020 qu'on s'était parlé. Je me demande si c'est pas en 2019. Peut-être. En tout cas, je sais que J'avais dès le un rideau départ, rouge en puis arrière de moi, là. je sais que c'était au début de la crise, puis je me rappelle d'avoir parlé de Ben, tout ça c'était avec pas toi dans un commencé enregistrement. la crise, c'était en Chine, c'était pas sorti de la Chine. Oui, tu as Puis raison, c'était pas encore mondial. c'est même avant qu'Arruda, ils disent, oh, le masque sert à rien, c'est pas en mettant un masque autour. C'était avant ça, c'est des mois avant. Puis là, je dis, oh, en ce moment, ils parlent beaucoup de. Parce qu'on nous en parlait, ils disent, oh, en Chine, il y a un virus, là, puis les autorités, blabla, là. Puis c'était juste des bribes, hein, qui parvenaient. Ils commençaient à préparer le terrain un petit peu des mois avant. Puis j'étais là, je dis, moi, ça m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que je savais que c'est encore tout le temps de même. L'âme, elle vibre à l'inquiétude, puis l'intellect, il vibre à la crainte. Puis finalement, toute la patente, là, toute la patente vient tout croche, puis elle est plus capable de. Là, tu sais, ça reste emprisonné. La lentille, elle s'opacifie. C'est Il ça. n'y a plus de rayonnement, il n'y a plus. Puis elle s'enlise là-dedans comme dans des sorts de mouvements. Tu sais, il y en a qui s'enlisent dans l'éco-anxiété, là, il y en a qui s'enlisent dans la peur du coronavirus. Puis là, on devient dans une situation absurde. Bien, comme le propos que je te parlais du premier ministre du Québec, François Legault, qui dit, ah, moi, je voudrais pas que ce soit une personne qui est non vaccinée, mais implicitement, ce qu'il nous dit, c'est que le vaccin n'est pas efficace, parce que si le vaccin serait efficace, il serait Ben. protégé, puis il n'aurait pas peur des gens non vaccinés. Ouais, ben, surtout, il ne faut pas considérer qu'il pense ce qu'il dit. Parce que c'est sa job de dire le contraire de ce qu'il pense tout le temps. Ah, je n'irai Donc, pas jusque-là, ouais, quand même. oui. Ben oui, moi, en tout cas, c'est sûr et certain, parce que c'est ça, être politicien. Il faut que c'est lié à la gestion de l'opinion publique. C'est ça, être politicien à cette heure. Oui, C'est de c'est sûr qu'il y fabriquer de a... l'opinion puis de gérer de l'opinion. C'est sûr qu'il y a de Fabriquer du l'hypocrisie derrière consentement. ça, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre? Lui, c'est sa job. C'est comme un amuseur de foule, dans le sens, c'est comme le gars qui gère le public, là, qui dit quand applaudir. Puis. Tu sais, c'est ça sa job. C'est un lobbyiste. C'est tous des lobbyistes. Ils parlent tous au nom d'intérêts, mais pour aller selon des buts liés à des intérêts. Oui, ben justement, ça m'amène C'est tout. à te parler de la piste de la vaccination multidose, dans le sens que présentement, en Israël, bon, les gens ont eu 2 doses. Là, ça prend la dose de rappel, de troisième dose, là, pour que le pass sanitaire, eux autres, c'est le Green Pass, là, ça soit actif. Récemment, j'ai appris qu'en France, les gens de 65 ans et plus, pour maintenir leur passeport sanitaire actif, ça prend la troisième dose. Et j'ai l'impression que sous peu, au Québec, pour maintenir le passeport sanitaire, ça va prendre également aussi la troisième dose, puis d'autres doses dans le futur, là, Ben tous les 6 mois. oui. Comme là, le monde, il pense, oh, est-ce que la crise s'essouffle? On est en train d'en sortir. Puis, c'est comme, tu sais, à un moment donné, je t'avais dit là, c'est une petite accalmie. Puis, je le sais comment ça marche, ces techniques-là de gestion de masse. Tu sais, faut pas que tu. Faut que tu ailles. C'est Ouais. un peu comme au niveau de l'induction hypnotique, admettons que sur le long terme, tu veux induire un comportement. Faut pas que tu mitrailles tout le temps pendant une longue période. Faut qu'il y ait des pauses. Oui, ça prend du temps d'intégration. Ah oui, puis il faut pas que tu ailles plus fort que ce que les structures sont capables de. Parce que eux autres, ils Contenir. travaillent avec les structures inconscientes des masses. C'est ça, parce qu'en ça, le régime totalitaire pourrait s'écrouler. Ben oui. Il faut que ça soit dosé. Puis il faut que. Mais justement, j'ai l'impression qu'ils ont mal géré leurs choses parce que ici au Québec, le ministre Dubé de la Santé avait dit, bon là, il faut que les gens soient vaccinés là, adéquatement là, d'ici le 15 octobre, parce qu'en ça, les employés de la santé ne pourraient plus travailler. Fait que finalement, ça n'a pas marché. Fait que là, il a reporté ça au 15 novembre. Puis finalement, vu que ça pognait pas, ça ne marchait pas, bien, il est obligé de Ben, reculer. il y aurait eu possiblement un écroulement au niveau de la gestion du système de santé trop vite. C'est juste, ils ont juste réajusté le timing. Parce qu'au niveau là, des résultats recherchés puis du plan qui suivent, ça n'aurait pas marché. Il y a des affaires, il ne faut pas que ce soit tout de suite. De toute façon, le but de tout ça, c'était surtout c'était une mesure pour que des gens qui n'étaient pas vaccinés dans le système se fassent vacciner plus vite, croyant faussement qu'ils allaient perdre leur emploi. C'est pour ça que c'est juste à la dernière minute qu'ils reculent. Exactement. Ils le savaient avant. Puis pendant ce temps-là, ils ont fait des gains par rapport à l'agenda vaccinal qui sous-entend l'agenda de marquage des gens code QR ou identité numérique. Juste le fait là, que les gens réclament pas cette démission, ça montre qu'ils sont bons, puis qu'ils réussissent, puis qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Ben moi, dans le fond, j'ai signé la pétition d'Éric Duhaime qui demande la démission là, de Dubé, du ministre, mais bien entendu, ça donnait rien comme la pétition qui s'oppose au passeport sanitaire. C'en est, ça, des os à ronger, ben, à mes yeux, là, comme Claire Samson, puis voyons, c'est pas sérieux, ça, là. Je suis obligé d'admettre avec le temps que tu as raison, dans le sens qu'ils n'ont pas sorti de la crise, puis le passeport vaccinal est toujours en fonction au moment où on se parle, puis... Tant que c'est lui l'opposition, on est dans la merde. Tant que c'est ceux qui sont l'opposition en ce moment, là, Moi, j'ai l'impression, un peu comme la conversation que j'avais eue avec mon nom récemment, que vous pouvez retrouver en enregistrement, j'en ai venu à la compréhension que c'est lorsque les femmes, les mères de famille vont devenir l'opposition parce que leurs enfants, advenant que le scénario de la vaccination dégénère, que leurs enfants soit qui meurent ou qui sont handicapés pour le reste de leur vie ou très limités avec des problèmes cardiaques importants, s'il y a vraiment une souffrance... par rapport à la population des enfants, qui va beaucoup toucher les mères, ben là, c'est elles qui vont amener une opposition réelle au régime. Ben oui, mais c'est parce que c'est pas tous les enfants qui vont être handicapés ou qui vont être lourdement atteints par ça. Donc, admettons que tu as 15% des femmes qui sont obligées de gérer ça, puis que là-dedans, tu en as 10% des femmes qui, qu'eux autres sont révoltées, ben là, il reste 90% de femmes qui... Pas sûr, moi, que ça va faire. C'est quand qu'il y a eu. Puis même là, les femmes, c'est tout le temps, c'est souvent. C'est souvent l'arme secrète des manipulateurs de masse. Regarde le féminisme à un moment donné. Ils ont même les compagnies de cigarettes se sont servies du féminisme puis des femmes. C'était les torches de la liberté, les cigarettes. À un moment donné, il y a une campagne, là, une femme qui fumait dans la rue, là, c'était parce qu'elle était une opposante courageuse. Puis dans le fond, c'était pour vendre des cigarettes. Exactement. Puis le féminisme, il était financé par des hommes. Puis dans les pires. Fait que l'affaire que les femmes vont se révolter, regarde, la Révolution française qui était complètement, qui est une manipulation à mes yeux des masses du début jusqu'à la fin, qui était pensée de l'extérieur de la France, c'est les femmes qui ont été le point d'orgue c'est quand les femmes se sont mises en colère que la Révolution s'est vraiment mise à avancer. C'est elles qui ont parti les émeutes. Parce qu'il n'y avait plus de pain pour nourrir leurs enfants. C'est des femmes qui ont mené les révolutionnaires quand ils sont arrivés avec des fourches, puis des fossiles, puis des. Que Marie-Antoinette était obligée de sauver, là, puis. Ils sont rentrés, là. Ils sont rentrés à Versailles, puis. Donc, moi, là, l'affaire, là, c'est que l'être humain est inconscient. L'être humain est inconscient. Ça veut dire l'homme est inconscient. Ça veut dire les femmes aussi. Puis, c'est pas par la vibration de l'âme au niveau de la mise en vibration par de la grosse colère de l'ouvre qui veut protéger ses petits. C'est sûr que ceux qui sont au-dessus de ça, eux autres, ils gèrent ça, puis ils manipulent ça, puis ils servent de ça. Parce qu'eux autres, ils servent des forces, de certaines forces de préservation, puis ils savent très bien comment. Oui, ils peuvent utiliser ça pour retourner ça contre les gens. Ouais. C'est parce que quand ils vont s'arranger pour qu'il y ait une révolte, une vraie révolte, ça va vouloir dire que les petits pions comme Legault, Perroudeau, ils s'en débarrassent. C'est juste ça, là. Puis là, ils servent de la masse contre ceux qui ont un roulement de personnel. Là, il va arriver d'autres mondes qui vont mettre d'autres mondes. Parce que faut comprendre que ceux qui mènent vraiment le show, c'est bien, bien plus haut que Legault, puis Arruda, puis Dubé. Non, non, c'est là. Clair. Ça, c'est juste pas pour rien qu'on des a des marionnettes comme gestionnaires. C'est pas pour rien que c'est des caves. Puis pas besoin de les observer bien longtemps pour voir que c'est des petits QI. C'est un tata, là, Legault, Arruda, puis Dubé. C'est trois niochons, ça. Puis ça paraît. Est-ce qu'ils sont caves? Moi, à chaque fois, quand je regarde les conférences de la presse, tu sais, des fois je ris, des fois moins, mais là, j'écoute pas ben ça longtemps parce que j'ai tellement de baisse de vibration, faut que j'aille me coucher après. Mais moi, C'est comme je les appelle les forcément. conférences de déprise, parce que c'est souvent des nouvelles déprimantes qu'ils annoncent. Ben, moi, je ris plus qu'autre chose là, quand je lis ça, Ben que j'en sais pas jusqu'où ils vont. c'est ridicule dans la bêtise humaine, là, tu sais, Arruda qui dit « Ah, portez pas le masque, après ça, portez le masque. » Au début, on dit « Ah, le vaccin, il est sécuritaire, vous allez être protégé. » Puis finalement, François Legault dit « Non, non, il faut être loin des gens qui sont non vaccinés, je voudrais pas être soigné par eux autres. » C'est des Christies de caves. Ils n'ont même pas les capacités motrices d'avoir une prononciation comme il faut. Comme Arruda, c'est pas le variant britannique, c'est le variant UK, UK, puis le variant UK. Puis l'autre, Legault n'est pas capable de dire difficile, c'est difficile. Puis Dubé n'est pas capable de dire CHSLD. Ou Puis karaoké. si, tu sais, je veux dire, on le voit, là, ça paraît. Ça paraît, je veux dire, le monde ne trouve pas ça humiliant que des imbéciles de même qui ont l'air de des gérants de coop agricole, c'est ça, les ministres. Puis même là, je ne veux pas insulter les gérants de coop agricole, là, Non, parce que c'est exactement. au-dessus de ça, là. C'est ça. Puis moi, dans le fond, c'est sûr que ces gens-là sont ridicules, mais en même temps, au niveau psychologique, en ayant certains travers, ça fait qu'ils sont proches du peuple. Ça peut être des gens Ben attachables, oui. les gens se reconnaissent en eux. Mais là, c'est comme si on se servait de la mécanique du syndrome de Stockholm un peu. Parce que c'est justement là, les gens vont trier ce qui n'a pas d'allure puis voir ce qu'ils se reconnaissent dedans. Puis là, ça devient des gens comme Arruda puis Legault. Ah, c'est du monde proche du peuple. Comment ça, proche du peuple? Arruda, là, il doit avoir 300 habits, ce bonhomme. Là, comment on peut considérer que cette espèce de cabochon-là, qui a l'air d'une espèce de catin, qui porte des bracelets en or blanc, puis tout, que c'est proche du peuple, ce gnochon-là. Puis l'autre, là, Legault, là, il a la vibration d'un gars de chambre de commerce, là, qui fait des campagnes électorales municipales pour des contrats des amis, puis, tu sais, des crosseurs, mais gang petit. Puis l'autre, là, Dubé, là, il a l'air de me faire penser des commissaires scolaires. À un moment donné, quand j'avais 12-13 ans, je le savais qu'il y avait une rencontre de la commission scolaire, puis que comme j'étais quelqu'un que, moi, tant que j'ai des arguments, tu peux pas me faire plier, puis il me considérait comme un problème. Puis j'ai eu des problèmes à l'école toute ma vie à cause de mes opinions. Puis à un moment donné, je le savais que les commissaires, puis tout, ils se réunissaient, la commission scolaire, ils se réunissaient. Puis moi, puis un de mes amis, pendant qu'il y avait la rencontre, on est allé dans le vestiaire, puis on lui a fait les poches. Puis après, on s'est séparé l'argent à deux. Ça, je le dis là, parce que ça fait longtemps, là, j'étais bien jeune, là. Mais j'ai aucun remords, moi. Ce monde-là, c'est tous des voleurs. C'est tous des voleurs. Je me rappelle cette année-là, ils s'étaient voté un budget pour remplacer un paquet d'affaires dans leurs affaires de bureau pour qu'ils n'avaient même pas besoin de changer. Dans le fond, c'était pour leur usage personnel. Puis on n'est pas cave, là, on le sait. Moi, j'ai aucun remords à avoir fait ça parce que c'est comme si j'allais me rembourser pour toute la merde qu'ils me faisaient. Puis, dans, tu sais, moi, j'étais un petit peu. J'ai pas une morale rigide, mettons. Dans le sens qu'au niveau de l'énergie, quand c'est le temps de récupérer de l'énergie, là, je me gêne pas. Puis ce monde-là, à un moment donné, il va falloir qu'il ait intégré le fait que c'est des hosties pourries, dans le sens littéral. Puis Oui. tant que le monde ne sera pas choqué, ben. Ben, ils tolèrent. Tant que les gens sont pas choqués, ils endurent. C'est ça le point. Puis, Ils ont pas assez souffert. c'est là que je voulais t'en venir. C'est parce que là, on est rendu quasiment à 2 ans là, de crise sanitaire. Il y a eu les confinements, le couvre-feu, là, la pression vaccinale, le chantage, l'intimidation, la menace de perdre son travail. Ensuite, il y a toutes sortes de choses qui sont là pour écraser les gens, puis il y a pas de révolte sociale. Ben non. Les gens ont pas assez souffert rapidement. C'est là où je te dis, ils sont habiles. Ceux qui mènent en arrière puis qui les coordonnent, comme la firme de consultants puis tout, ils savent le McKenzie, oui. dosage que ça prend. S'ils avaient tout fait ça d'une shot, ça n'aurait pas marché. Donc, c'est comme l'adage québécois qui dit, fais manger de la marde quelqu'un à petite dose, puis tu vas le finir par le gaver, là. Ben oui, tu vas finir par réussir. Mais là, eux autres. C'est parce que comme juste Marguerite Blais, là, qu'elle ne peut pas aller témoigner, mais elle continue à gérer son ministère, il y a de quoi qui marche pas, là. Ah, si mal à la patte que ça. Puis là, supposément, là, que, oh, étant en épuisement professionnel, avait... c'est rendu qu'ils servent, ils nous ont tellement bombardés là, que la santé mentale, c'est normal, là, que tout le monde, à un moment donné, dans sa vie, des troubles de santé mentale. Que là, quand Marguerite Blais, oh, en ce moment, elle aurait peut-être de l'épuisement professionnel, puis le monde n'a pas allumé, crime, qu'ils sont en train de la tasser parce qu'elle était comme un boulet à ce moment-là. Puis là, encore là, elle a mal à sa patte. Ben oui, ben Puis là, elle ne peut pas exactement. aller témoigner. C'est quoi, là? Admettons que moi, je veux me déresponsabiliser, je vais me péter une jambe puis faire de la dépression, puis ça va être correct. Parce qu'une fois que la coroner va avoir fait son rapport puis qu'elle va avoir rendu ses conclusions, tu ne peux plus refaire témoigner l'autre, là. Non, c'est ça. On n'en revient pas en arrière. Puis, c'est sûr que j'ai l'impression que c'est une commission bidon. Comme il y en a eu Ouais, comme plusieurs dans le d'habitude. passé, puis qui n'ont pas amené de changement au niveau systémique à un second niveau. C'est à sert à casser des façons de noyer le poisson, ces affaires-là. C'est comme là, Carey Price, là, il est courageux, il a admis qu'il avait des troubles de consommation de ci pis de ça. Moi, je pense qu'il peut pas jouer parce qu'il veut pas se faire inoculer. C'est possible. Fait que là, on sort cette affaire-là fourre-tout. Puis là, probablement qu'il y a le monde qui font par rapport à la gestion d'image du CH, ils ont dit, ben là, t'es mieux de passer pour un drogué puis quelqu'un qui a des troubles parce qu'à ce temps, c'est vu comme. Acceptable C'est socialement, moins là. tabou, c'est plus acceptable socialement que de dire que tu veux pas ta dose, là. C'est sûr qu'au niveau, parce que là, si on parle d'un joueur de hockey, mais au niveau sportif, par rapport aux gens qui ont été injectés, au niveau des médias alternatifs, j'avais entendu parler de c'est ça, des athlètes qui auraient eu des problèmes de santé, là, suite à l'injection. Dans des journaux, moi, européens, puis tout, un joueur de tennis, il l'a dit carrément, il dit « je le regrette ». Puis, il y a un paquet de professionnels, de joueurs professionnels, de sportifs professionnels. Leur carrière est finie, là. Au niveau vasculaire, ils ne peuvent plus faire d'efforts. Leur carrière est finie. Il y a combien de joueurs de foot en Europe qui se sont écroulés, puis c'est pas des hasards, ça, là. Mais là, on va nous dire, ah, c'est des cas anecdotiques, c'est pas Ben représentatif de la majorité, puis c'est hors oui, mais si tu contexte. le regardes au niveau statistique, c'est du jamais vu. Ben c'est ça, si on regarde les incidents vaccinaux aux États-Unis au niveau des autorités vaccinales, je pense que c'est le VRAS, en tout cas, j'ai la difficulté à le prononcer, là, mais il y a plus de cas rapportés de cet incident, d'un incident vaccinal avec la vaccination du vaccin COVID que les autres vaccins dans le passé, apparemment. Ben oui. Puis même là, ils ont changé la définition de vaccin. Puis il y a eu une fuite d'un gars de Pfizer, je pense que c'est Projet Veritas ou je sais plus trop, que lui, il l'a dit, il dit, on a changé la définition puis tout, parce que si on disait au monde, ben c'est une thérapie génique, on n'y aurait jamais eu le consentement d'autant de monde. Fait que c'est tout de la stigmate, c'est tout dans le sens que je m'en fous que ça soit bon ou pas. Moi, il y a une question de principe, c'est il faut que tu sois honnête. Puis, ils ont tellement été hypocrites, ils ont tellement été manipulateurs, j'ai tellement vu de techniques de psychologie de masse là-dedans, appliquées sans vergogne, sans aucun scrupule, d'une façon éhontée, que c'est rien qu'une question de principe pour moi. Même si c'était inoffensif, j'en veux pas. Parce que la vibration qu'il y a en arrière, j'en veux pas. Il y a quelque chose qui fait que je vais pas consentir parce que je connais les répercussions dans l'invisible. Dans le sens au niveau vibratoire. Parce que, qu'on le veuille ou pas, sur les plans, il y a des liens fréquentiels qui se font. Puis, c'est bien dommage, mais moi, je suis dans une optique de. J'ai tout le temps, même avant d'avoir le vocabulaire, puis avant de connaître Bernard, puis tout, j'ai tout le temps été dans une optique de. Vous ne m'aurez pas de cette façon-là, dans le sens que tu ne me feras pas dire que le ciel est brun quand il est bleu. Et puis, je ne vais pas le dire pour des questions de conformité sociale. Si la ligne B est plus courte que la ligne A, je vais dire que la ligne B est plus courte que la ligne A. Même si toute la classe dit le contraire, je m'en fous. C'est pas vrai, ça, que je vais tomber dans la conformité mensongère pour des raisons de conformisme social. Puis même, je l'ai entendu un il n'y a pas longtemps qui disait, tout le monde a un prix. Tout le monde est achetable. Moi, non, parce que je le sais que la vie dans le plan matériel et ce qui se passe après sur les plans est en fonction des tests qu'on a eus, puis que l'énergie va aller selon son appointance au niveau de la gestion dans l'invisible. Fait que même pour une niaiserie, je serais prêt à pas être capable de dire le contraire, puis c'est possible que j'irais jusqu'à me faire conduire à l'échafaud. Parce que c'est une question de principe pour moi, dans le sens qu'il y a des choses que je sais. Puis c'est pas vrai que je vais plier parce que j'étais un asti de tête de cochon. J'ai une chose qu'on n'a jamais parlé, Oui. que je parle pas nous autres, mais je parle en général, les gens vont parler, ah, l'orgueil mal placé. À chaque fois qu'on entend parler de l'orgueil, c'est tout le temps mal placé. Il existe de l'orgueil bien placé, ça s'appelle la dignité. Puis à un moment donné, bien, il faut avoir de la dignité quelque part dans ce qu'on fait. Pour pas vendre son âme au diable, à l'astral. C'est ça. C'est ça. Tu sais, des fois, ça peut être intelligent d'aller contre, au niveau technique, d'aller contre ce que tu penses. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vue, c'était. Ça s'appelait Silence. C'était des prêtres portugais dans le temps, au 16e siècle, au Japon, ils se laissaient tuer parce qu'ils refusaient les autorités du gouverneur. Puis ces samouraïs, ils forçaient le monde à abjurer le Christ en leur faisant marcher sur une image, puis ils refusaient de marcher dessus, puis ils se laissaient tuer pour pas marcher dessus. Ça, ce qui aurait été intelligent, c'est de marcher dessus parce que tu le sais que ça n'a pas rapport, que c'est pas grave. Mais c'est comme, ça, c'est de la dignité mal placée. Ça, c'est de l'honnêteté mal placée. Ça, c'est de la rigueur honnête mal placée qui n'est pas intelligente. En plus que, je sais pas, moi, il y a un commandement qui dit t'adoreras pas d'images sculptées. Fait que, d'une certaine façon, c'était pas logique d'aller mourir pour pas se mettre les pieds sur une image. Oui, En bien, c'est lié à réalité, pardon. l'attachement à la forme d'une programmation avec une certaine éthique, mais. C'était lié à la doctrine d'un collectif qui Ouais. disait que c'était un sacrilège de faire ça. C'est même pas le Christ qui voulait pas renier, c'est l'Église. Fait que là, il y a un problème, là. Parce que l'être humain, il n'y a pas de discernement. Il n'y en a pas de discernement. Puis à cause de ça, il y en a, ils vont sombrer dans le fanatisme, puis ils vont sombrer dans l'opposition, que dans le fond, c'est là qu'il y a le vrai danger. Dans le sens que ça donne quoi de s'opposer pour défendre une doctrine, tandis que c'est pas une doctrine, le réel. Dans le sens que il y a des affaires qui sont réelles là-dedans, mais c'est pas les formes que ça a pris. Oui, je comprends. La personne aurait pu avoir un orgueil bien placé pour défendre un principe vibratoire en lien avec une conscience individuelle plutôt que de se soumettre à une doctrine liée au collectif. Ben oui, parce que c'est subjectif, ça. C'est pas réel. Tu sais, il y a une méchante différence entre la doctrine de l'Église qui dit de marcher sur une image sculptée, c'est un sacrilège, puis la réalité du fait que d'adorer des images sculptées, ça va contre le réel. Parce que là, à un moment donné, c'est ça quand tu as une clique qui interprète à ta place, puis que t'es pas dans ton identité réelle, puis dans ta vue à toi. Parce que là, ça a engendré la psychologie de masse, ça a engendré les sectes, ça a engendré les guerres de religion, ça a engendré du monde qui en ont fait brûler d'autres. Puis ça a engendré aussi du monde qui avait une fausse identité très très forte, puis qui en sont morts. Comme moi, peut-être ça pourrait arriver. Dans le sens comme Giordano Bruno, qui a refusé de dire qu'il avait tort, puis ils l'ont brûlé. Exactement. Fait que, dans ce sens-là, il est où le test? C'est difficile, c'est là que ça devient subtil. C'est Oui, bien, en lien avec la crise actuelle, prenons le cas de l'acceptation ou non du vaccin, ce qui sous-entend le code QR, identité numérique, est injecté à tous les 6 mois pour renouveler la passe, etc. C'est que le test peut être au niveau de, bon, on va donner un hot dog, est-ce que tu vas marcher? Ensuite, on augmente les enchères en disant, ben là, si tu ne te fais pas vacciner, si tu es un employé dans la santé, tu peux perdre ton travail. Puis là, on va continuer avec d'autres menaces. On va dire, ben là, tu ne pourras pas aller voir tes personnes âgées, les membres de ta famille qui sont en résidence de personnes âgées comme aidant naturel. On va bloquer ça. On va t'empêcher d'aller au restaurant. On va t'empêcher d'aller à la salle d'entraînement. On va t'empêcher Ouais, d'aller mais dans. là, c'est pas pareil. OK. Parce que la notion de consentement libre et éclairé, la responsabilité des gens d'en face qui veulent te faire consentir à quelque chose, c'est de te fournir l'information réelle qui fait que ça va être libre et éclairé, puis ils le font pas. Ils remplissent pas leur part du marché. Pourquoi je remplirais ma part du marché en si en face, ils fournissent pas? Ils sont pas à la hauteur de mon consentement. Non, exactement. Mais le point, c'est que j'ai l'impression que présentement, il y a une escalade, des menaces, des privations, des gens qui se font pas injecter. C'est du chantage. Oui, exactement. C'est un. C'est purement du chantage. Puis c'est même, c'est odieux. Ben oui, dans mais le sens surtout que de les... odium là, qui suscite la haine. Qui suscite la... C'est censé susciter la haine, ça, comment il y a juste là, parce que c'est odieux. Puis là, François Legault, il dit « Ah, ben si massivement les jeunes de 5 à 11 ans sont injectés après les fêtes, alors à ce moment-là, on va pouvoir sortir de l'urgence sanitaire si cette population-là est massivement injectée. » Comme là, ils attendent le pire de quand que la saison de la grippe va être vraiment commencée pour repartir le patente. Parce que là, le but, c'est les petits-enfants. Ben oui, c'est le 0-5 ans après le 5 à 11 ans, là. On dirait que le monde ne s'attend pas à ça, dans le sens que il y en a bien qui pensent, comme je voyais Pitre, là, ils disent oh, est-ce que la crise s'essouffle? T'sais, ils reculent, ils ont peur. Non, non. Ils n'ont pas compris c'est quoi la psychologie de masse et ces techniques de gestion-là. Là. Puis c'est dommage parce que les gens, ils vont encore se faire pogner. T'sais, la surprise est importante. Parce que c'est une affaire d'action-réaction. Fait que le monde ne s'attend pas à ça. C'est comme, admettons, moi, que je veux que. Je veux pas que tu te méfies d'un temps sombre qui s'en vient, là, comme l'affaire le Dark Winter. Oui. Ils nous ont sorti ça, que l'hiver qu'il y a eu après, ça n'a pas été le cas. Puis en faisant ça, toute l'énergie qui était mobilisée à de la crainte puis de la projection d'angoisse par rapport à que ça allait peut-être être un hiver dur. Ben là, la garde est tombée complètement, puis là, il engendre de l'espoir que ça va aller bien, là, pour vrai. Parce que ça fait 2 ans que ça va bien aller, puis le monde, là, ils s'apposent plus, ils le savent, là. Ils savent que ça ira pas nécessairement bien. Mais il y a quelque chose qui s'est épuisé. Puis là, c'est au moment où le monde, ça n'attend pas qu'ils veulent l'avoir, la période sombre. Oui, exactement, parce qu'ils ont baissé leur garde. Puis, ils se sont fait remplir naïvement que là, on retrouve des libertés, on peut chanter dans un bar, on peut faire du karaoké, on peut danser. Incroyable. Tu sais, c'est incroyable de voir comment les gens, c'est des enfants. C'est vraiment des enfants, là. Des hot dogs. Le droit de chanter du karaoké. Mais on est où, là? Je veux dire, les gens, c'est des affaires de même qu'ils regardent. Je veux dire, c'est des choses comme ça qui sont leur en l'air. Là, je peux plus aller au bar. Je peux plus aller au bar, puis me saouler, puis creuser des catins qui ont le cuit d'une huître, qui sont fardés comme des filles de rue. Je peux plus aller mettre mon argent dans un texte déguisé des machines à poker. Je la comprends pas. J'ai honte pour le monde. Moi, j'aurais honte, en tout cas. Je veux dire, d'une certaine façon, si je regarde ça d'une façon attendrie, parce que c'est comme des enfants. Ils sont gardés d'une manière infantile par la programmation sociale, fait que c'est un cercle vicieux. Oui, mais en même temps, s'ils n'ont pas eu les capacités de développer une maturité de discernement par eux-mêmes, puis qui ont été si faciles à maintenir, c'est peut-être parce que c'est vraiment des enfants. Puis c'est là que je me dis, coudonc, qu'est-ce qu'ils mettent dans la bouffe? Qu'est-ce qui fait que le monde est cave de même? Ça se peut pas, là. Il me semble que les gens en moyenne dans les années 50 n'étaient pas cabochons à ce point-là. Quand j'étais petit, ça m'arrivait de discuter avec des cultivateurs aussi, des personnes très âgées qui étaient nées au 19e siècle. Puis j'ai souvent entendu dire de ces gens-là, oh, faut pas croire tout ce qu'ils disent à la TV, puis dans les journaux. Puis ça, je ne l'ai plus réentendu depuis que cette génération-là est décédée. Je l'entends bien moins, en tout cas. Eux autres, là, ils étaient sceptiques de tout. Ils savaient, ils avaient passé à travers un paquet d'affaires. Tu sais, mais l'affaire, là, c'est ça, là. Je me dis, ça, c'est une vraie honte. Je comprends pas, là. Comment ça que le monde, c'est avec des conneries de même, les gens sont prêts à... C'est comme un enfant, tu lui dis, veux-tu un bonbon tout de suite ou 10 bonbons dans 3 jours? Je veux un bonbon tout de suite. C'est vraiment, ils n'ont pas de capacité de penser à long terme, ils n'ont pas de capacité comme de recul pour voir les structures de... C'est comme s'il y avait, c'est ça, de la subjectivité. Je veux dire, si c'est ça, les événements de fin de cycle, ça, là, ils deviennent de plus en plus plausibles. On s'en va vers... On s'en va vers ça. Ça sera pas drôle, là. Puis en plus, les gens sont encore plus sensibles au niveau émotif qu'avant, je trouve. Ils sont plus susceptibles qu'avant au niveau d'avoir de la peine, là, dans leur petit cœur, là. Puis ils sont plus superficiels qu'avant. Fait qu'ils vont souffrir bien plus, puis ça va pas nécessairement engendrer des chocs ça va pas nécessairement engendrer de la conscience, même s'il va avoir un haut niveau de souffrance. Ben moi, j'ai l'impression que ce qui va arriver, on va voir la suite des choses, puis on garde toujours en contact ensemble pour commenter l'actualité. Mais moi, j'ai l'impression que, bon, il y a eu des personnes âgées qui ont été victimes de négligence. Puis il y en a qui sont morts là, dans leurs excréments. Là. Ça, c'était pendant... Il faut que ça soit de la souffrance égoïste, égocentrique, le monde à cette heure. Ils sont coupés de l'autre. Ils n'ont pas de vision de... Mais le point que je voulais dire, c'est que si ça atteint les personnes âgées, puis bon, il y a des gens qui ont contesté un peu, mais quand que ça va s'en prendre aux enfants, j'ai l'impression que s'il y a des enfants qui ont des problèmes de santé liés à la vaccination, là, ça aura plus d'impact que les personnes âgées qui sont mortes dans les résidences. Je ne suis pas sûr, moi. OK. On n'aime pas les enfants au Québec. On n'a pas d'empathie pour les enfants au Québec. Ça, je le sais parce que quand j'étais un enfant, je le voyais. Puis là, c'est pire que c'était. On respecte pas les enfants ni les personnes âgées au Québec. Puis ça doit être pareil dans d'autres cultures occidentales. Moi, je considère que les enfants ne sont pas respectés dans leur intelligence, ne sont pas respectés dans leur potentiel, ils ne sont pas respectés dans leur sensibilité. Puis je considère que c'est tellement présent dans notre culture que le monde ne le voit pas. Puis c'est pour ça que ça persiste puis que ça s'amplifie. Les enfants ne sont pas respectés, là. Ils l'ont jamais été, moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai connu. Ben, juste comment j'ai subi l'école, puis qu'il a fallu que je me batte pour avoir le droit juste d'être moi-même, puis d'oser, tu sais, comme le professeur dit, bon, telle affaire, c'est telle affaire, puis là, moi, je pense que c'est pas comme ça. Puis là, de la crise que j'avais, puis c'était de me casser, puis après de me faire mettre dans un coin, puis de me faire parler de même, donc on va te casser ton petit caractère. Pourtant, j'étais pas en train de faire une crise, là, j'étais juste pas d'accord. Parce que ma sensibilité me disait que c'était pas ça. Puis des décennies après, je me rendais compte que j'avais raison, puis le programme avait tort. Calice. Fait que, non, ça marche. Ça marche, malheureusement. Ça marche leur technique, ça marche leurs affaires. Pourquoi les enfants sont conditionnés? Parce que les professeurs sont conditionnés. Ben oui, c'est un cycle de génération en génération. Les conditionnements sociaux se perpétuent. Et là, ça se rigidifie avec l'histoire des mesures sanitaires. Les jeunes sont conditionnés pour porter le masque. On dit, oh, ça va être temporaire, le masque, le temps qu'il y ait un vaccin. Finalement, il y a un vaccin, puis on continue à dire aux jeunes de porter le masque classe. Puis tout ça, c'était prévisible puis visible. Je veux dire, on a tout dit ça avant que ça arrive. On n'est pas tout seul, là. On n'est pas tout seul qui a vu que ça serait ça. Ben oui, on se dirigeait vers ça, le passeport sanitaire, l'année passée, je t'en parlais, on avait même fait une capsule. Ben, moi, j'étais sceptique dans le sens, je trouvais que c'était trop vite. Tu sais, je pensais que ça allait prendre un petit peu plus, qu'il allait, à cause du Québec, à cause de certaines particularités, qu'il allait attendre. En France, non, ça puis je t'ai partagé l'article qui dit que c'est pour juin 2022, l'identité numérique avec le portefeuille numérique, Éric Kerr, le ministre de la cybersécurité. Ben, oui, mais là, je m'attends à n'importe quoi. Ben, c'est je ça. Je m'attends à n'importe quoi. Ben là, au pire, s'ils veulent que moi, je me fasse inoculer, ben, qu'ils me forcent. Mais, je veux dire, comme leur identité numérique, même s'il faut que je retombe, que je me ramasse avec d'autres mondes, qu'on est obligé de produire notre bouffe, m'a faire ça, là, avant. Ben, j'en veux pas. Voyons, c'est quoi ça? C'est rendu que... Non, je veux pas vivre comme dans... Tu sais, c'est comme THX, là, le film. Ouais, le film de science-fiction. Ben, c'est vers ça que ça ressemble à ça, là. Moi, George Lucas, j'haïs ses films, puis je trouve que ses histoires ont pas rapport, puis Star Wars, pour moi, c'était... Même quand j'étais un enfant, je trouvais ça niaiseux. Mais ça, THX, qui a pas été un succès, qui était son film qui a le moins marché, je trouve que c'est son film le plus intelligent. Parce que ça c'était une société aseptisée où les gens, c'est numérique, l'identité, puis où tout justement est autorégulé par de l'intelligence artificielle, puis les policiers sont des robots. Tu sais, ils te vargent dessus en disant « Laissez-nous vous aider, nous, tu sais, tout est inversé tout le temps, dans le sens que par le contraste, puis la polarité, puis tous les gens ont plus de discernement. » Ben, c'est un peu comme George Orwell, finalement. Tu sais, la guerre, c'est la paix, c'est la guerre, puis la force, c'est la faiblesse. Puis, ouais. Parce que le plan psychologique humain, c'est la polarisation du mental. C'est par là que ça s'est développé. Puis ces failles-là, il y en a qui sont au-dessus de ça, puis ils savent comment ça fonctionne. Jusqu'à un certain point, c'est du neuropiratage. Puis même la perception puis l'aspect réflectif deviennent une façon de détourner l'énergie des gens, puis c'est le même que t'esclavagise des masses. Mmh. Donc, comme THX, lui, ce qui arrive, c'est qu'il arrête de prendre sa médication parce que c'est d'une société où si t'es pas sous médication, ben là, c'est un crime de stupéfiant parce que tu les as pas pris. Peut-être que ça va être ça tantôt chez nous. Si la personne ne prend pas sa dose à tous les 6 mois, ben, elle perd son passeport sanitaire et est vue Ben, comme une c'est citoyenne de ce qui s'en seconde zone. ressemble à ça. C'est comme comment ça se fait que François Legault est sur TikTok puis que Justin Trudeau sont sur TikTok. TikTok, ça a été créé par le gouvernement communiste chinois. C'est quoi ça? Ça marche pas, là. Il y a de quoi qui marche pas là-dedans. Moi, ça m'enrage de voir ça. Oh, c'est pour être au diapason des jeunes. Ben oui, mais comment ça que tous les jeunes sont là-dessus? Puis que vous faites rien pour informer le monde d'où ça vient. Asti que ça m'enrage. Ouais, je te Ils comprends. nous prennent pour qui? Ben, pour leur vache à lait qui, à partir de TikTok, ils vont connecter nos données, puis le gouvernement chinois va espionner les citoyens de tous les pays du monde où les jeunes sont abonnés sur TikTok ou les moins jeunes aussi, comme eux autres qui se pensent Sais, cool. c'est comme Justin Trudeau, pendant des années, l'hypocrisie, oh, le gouvernement chinois, les droits humains, c'est tout du théâtre. C'est tout du théâtre, c'est tout le même système, c'est tout le même monde en arrière. Puis c'est pas des Chinois, là. Fait que là, ils nous prennent pour des hosties de cave, mais pas à peu près. Pourquoi? Parce que le monde, c'est en majorité des hosties de cave, mais la minorité que c'est pas des caves, va falloir dire de quoi? C'est pas en allant, comme là, Pitre, il s'est mis là-dessus, le TikTok. Christ, que c'est pas intelligent! Christ, que c'est pas intelligent. Explique-les c'est quoi cette affaire-là au lieu d'aller dessus. Ça veut dire qu'il sait pas. Tu sais, dès que tu t'ajoutes le maudit bébelle, le téléphone en guillemets intelligent, là, il t'écœure pour TikTok, TikTok. Tout le monde que je connais qui était pas là-dessus, leur téléphone les écœurait pour qu'ils soient là-dessus. Puis là, il dit, oh, il y a une liberté là-dessus. Sur TikTok, il n'y a pas de censure. Oui, là! C'est comme quand Staline y avait dit exprimez-vous. On veut les idées du peuple pour. C'est pas longtemps qu'après la force que tout le monde avait la liberté de s'exprimer, puis tout, là, après ça, eux autres, ils avaient pris des notes, hein. Ils savaient qui pensait quoi. Puis c'est là qu'ils ont fait du ménage. Exactement, ça peut identifier les gens qui sont opposés au régime. Ben c'est ça. Fait que là, moi, l'affaire, là, que François Legault puis Justin Trudeau sont sur TikTok, ils nous prennent pour qui, eux autres? Calice, asti que je viens en crise. Oui, mais faut rejoindre la jeunesse. Ben oui, mais informe-la la jeunesse de c'est quoi TikTok si toi t'es pas un maudit larbin du système communiste chinois, dans le fond, ou un relais de ce qu'il y a en arrière de ça. Comme là, c'est comme. Oh, là, sont là à nous parler. Ah, oh, Camilla Parker Bowles, là. Bowles, chose Biden, il pétait. Tu sais, je veux dire, c'est quoi ces asti de niaiseries-là? C'est des hosties de niaiseries, je veux C'est dire, des faits j'achète pas divers qui que. font diversion. C'est des C'est ça. stratégies utilisées pour polariser l'attention du public sur des choses comme ça insignifiantes. Puis pendant ce temps-là, les vrais éléments qui menacent ou qui posent problème, on n'en parle pas. Tu sais, c'est normal, Biden qui pète un vieux cheval, ça pète. C'est ça. C'est le système. Je C'est veux dire, ça. voyons. Mais C'est pendant quoi, ce temps-là, là? ces gens-là vont donner leurs jeunes en pâture en disant, ah, faites-vous injecter. Le gouvernement, il doit savoir ce qu'il fait, en disant aux gens, c'est sécuritaire, le vaccin. Ben oui. Fait que dans le fond, là, la génération qui était née à la fin des années 1890, qui est morte aujourd'hui, puis que souvent ils étaient illettrés, ces gens-là, il y avait plus de discernement que des gens qu'aujourd'hui ont des doctorats. Il y a de quoi qui marche pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis ça fait partie justement des événements de fin de cycle, c'est-à-dire que par l'âme, par les mécaniques de l'âme, il y a une emprise, un assujettissement qui se renforce. Puis c'est là qu'il va avoir des. Tu sais, le bon grain va être séparé de l'ivraie. Exactement. Et c'est sûr qu'il y a une séparation sociale qui se fait avec la ségrégation entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas soumis à ce rituel socialement. Donc, il y a deux classes. On a présentement le cas de Joanie, qui est une jeune qui a besoin d'une greffe parce qu'elle est atteinte de fibrose kystique, mais comme elle n'est pas doublement injectée, ah, ben là, elle est plus prioritaire. Fait que là, C'est il y a une médecine à deux complètement. vitesses qui est en train de se créer. Et c'est sûr que ça y porte préjudice. T'sais. Si on te dit, mettons, ah, tu te fais pas injecter, mais là, tu n'es plus dans nos priorités. C'est parce qu'on a mis dans la tête que la ségrégation, c'était lié à la couleur et à la race. Tandis que dans un système communiste, la ségrégation est liée à des classes qui sont créées par le régime. La lutte des classes, au sens naturel du terme, comme il y a dans le capitalisme, est éliminée, puis remplacée par une lutte des classes synthétisée, qui est gouvernée puis arbitrée par un système. Fait que, dans le fond, dans un genre de dictature comme ça, les droits deviennent des privilèges, puis il y a des classes qui sont créées parce que ça prend une oligarchie entre la masse puis les vrais gouvernants. Donc, sont en train, regarde, même pas besoin d'être liés au vaccin. Quand il y a eu du délestage, la fille de Norma Chouinard est morte parce qu'ils l'ont pas soignée à temps. Fait qu'il va y avoir des morts vaccinés ou pas, là, parce que ça fait des décennies qu'ils sacent le système à terre. Il était ministre de l'Éducation puis ministre de la Santé, François Legault, puis il va nous faire accroire dans le temps du gouvernement de Lucien Bouchard. Puis il va nous faire accroire qu'il ne comprend pas pourquoi le système est tout le temps sur le point de s'effondrer depuis 25-30 ans. Puis il va nous faire accroire qu'il ne comprend pas pourquoi notre système d'éducation, les jeunes ne comprennent pas ce qu'ils lisent quand ils sont capables de lire. Bien, il y a là-dedans la continuité. La continuité de quelque chose qui a été pensé par des technocrates du social, dans certains buts liés à d'autres personnes. Fait que lui, il applique ce qu'on lui demande. Puis ça fait longtemps qu'il applique ce qu'on lui demande, puis il sait comment ça marche. Puis c'est comme ça que tu acquiers le droit de faire partie de la future oligarchie, là. Fait que ce monde-là, il se considère au-dessus des autres. Il se compassent d'une classe. Ouais, ils se voient comme faisant partie de l'élite planétaire, mais c'est sûr que si C'est moindrement, des petits trous de cul. ben c'est C'est ça que ça qui est le j'allais plus dire. comique. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont peu d'identité réelle, parce que s'ils seraient vraiment dans leur identité, ils pourraient jamais accepter de vendre leur âme au diable ou se soumettre à Mais des non. choses qui n'ont pas d'allure. Mais ils vont selon ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est des serfs, des vassaux. C'est une forme de système féodal, là. Puis ça n'a jamais changé, ça. Tu sais, quand je parlais des prêtres rois, puis Non, les c'est juste races les de formes que seigneurs. ça prend, là, comme l'identité numérique, tu sais, le passe sanitaire, ça me faisait penser un peu au passeport qu'utilisaient les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale pour contrôler les citoyens. Ben oui. Fait que là, tu avais des gens, par exemple, qui étaient contrôlés à Paris, en France, pendant l'occupation allemande, où ce qu'on leur demandait à tout bout de champ de montrer leur passeport sous occupation nazie. Puis là, aujourd'hui, la police peut débarquer dans un restaurant puis montrez-nous vos passes. Ben, c'est surtout le vrai pouvoir, c'est de contrôler les déplacements des individus, puis de contrôler l'information. C'est pour ça que Louis XI a créé la poste. C'est juste ça, là. C'est pour contrôler l'information. Quand t'as des chevaux, dans le temps, quand tu avais des chevaux à relais, là, tu sais, c'était, t'avais l'information avant tout le monde. C'est pour ça que Louis XI, il a réussi il était un maître dans l'art de dominer le monde toute sa vie. Parce qu'il avait compris certaines choses. Après, l'affaire des chevaux à relais, ça a été compris par certaines familles de banquiers. Au niveau de la spéculation, il y avait l'information avant les autres. Puis c'était pas illégal de faire courir des fausses rumeurs, tandis que toi, tu as la vraie information. Comme ça, tu gardes l'avantage. Donc, oui, il y a des fake news. Oui, c'est sûr qu'il y en a. Ça fait partie de la stratégie. C'est pour noyer le poisson. Dans un peuple que tu as éduqué à ce qu'il n'y a pas de discernement, c'est le même que tu as le pouvoir. Oui, exactement. Par contre, moi, quand je regarde l'avenir, je me demande si, en tout cas, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec le scénario vaccinal, parce qu'on ne connaît pas les impacts à moyen et long terme. Mais j'ai l'impression que si, il y a plusieurs cas, entre autres des jeunes qui ont des problèmes, que peut-être d'ici 2 ou 3 ans, la vapeur pourrait changer pour François Legault puis ses acolytes, puis là, il pourrait devenir fortement critiqué là, par la population. Oui, mais rendu là, s'il y a une armée internationale, s'il y a des forces armées internationales, puis qu'il a été mis en place d'autres structures transnationales qui ont pour mandat de réprimer certains mouvements, c'est une affaire de timing, là. C'est Ouais, une affaire de. non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que si au nom de la menace contre le COVID, on met en place des armées un peu comme la menace contre le terrorisme, Là, c'est sûr que s'il y a des structures supranationales qui prennent plus de place en lien avec, entre autres, la quatrième révolution de Klaus Schwab puis le Forum économique mondial, ben là, c'est sûr que François Legault, ce ne sera plus lui, qui va avoir tellement d'autorité, il va être encore plus un sous-traitant des mondialistes. Ben, c'est un peu comme, admettons que justement, il y a une révolte, comme tu dis, puis que Trudeau, il a signé quelque chose comme quoi en signant dans un scénario où il y a une crise par rapport à des révoltes, que là, il apparaît des forces un peu comme les casquets bleus, là. Ils vont réprimer ça. Puis tu vas avoir une majorité de caves qui vont considérer que c'est peut-être mieux de même. Pour préserver la paix sociale, façon C'est spirituelle. ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent leur croûton de pain. Tout simplement. Et on le tient le monde par ça, là. C'est pas dur, là, si mettre quelqu'un, t'as rien qu'à l'empêcher de manger. Ils vont pas tous se laisser mourir de faim comme moi, par principe, là. En se disant, ben c'est pas grave, j'ai d'autres corps sur les plans. Le monde, ils sont pas au courant de ces affaires-là. Ils sont pas au courant de ça. Fait que le monde, eux autres, c'est la vie qu'ils ont là, c'est la seule affaire qu'ils ont là. Si tu leur enlèves, si tu les empêches de manger, si tu les empêches de. Ils vont marcher au pas, puis même ils vont dénoncer leur propre famille. Ben oui, ils vont Parce faire de que, la délation. ben oui, la psychologie humaine, on voit dans toutes les situations où ça a été comme ça, on voit que c'est ça qui se passe. C'est comme dans le temps de Ceausescu, il y avait des micros jusque dans les toilettes. Il y a une partie du budget de tout le pays qui allait à mettre des micros partout. Puis à payer du monde pour écouter tout le monde. Puis le monde se révoltait. Il a fallu vraiment que le système lui-même ait plus de moyens de se maintenir pour que la population comprenne qu'elle pouvait se révolter. Puis il a fallu une journée fatidique que les gens ils ont tout en même temps. Il y a eu une... Puis là, même là, sa clique à lui, ils ont décidé de faire un procès puis de l'exécuter pour eux, pas passer au cash. Mais après, c'était le même monde là, qui était dans le gouvernement. Le même monde qui avait servi Ceausescu, il est encore dans haute sphère. Fait que ils ont juste mis ça à un autre niveau. Ils ont transféré l'énergie d'une structure à une autre. Non, Fait que exactement. Là, tant que les gens, et puis même là, c'est pour ça que je m'attends pas à des solutions conventionnelles. Je crois pas à des solutions Ben, au conventionnelles. fil des mois qui passent, parce que ça fait quasiment 2 ans, bon, on a vu que les manifestations, ça n'a pas fonctionné. Les démarches juridiques, ben, c'est long. Puis présentement, il n'y a pas de gain significatif avec la fondation Ben des. oui. Puis le portail du néo-paganisme qui a supposément été ouvert hier à part créer de la déception puis de la dépression chez du monde déjà instable psychologiquement, ça n'a rien donné, comme je Ah oui, disais. le portail 11-11, vu que c'est deux fois le chiffre Ben, 11, signification particulière tu sais, numérologique. là on est dans le virtuel de la symbolique, c'est de la merde, là. Je veux dire, ça, à part gaspiller de l'énergie, là, ça va pas donner de l'énergie, ça. En plus, le 11, la vraie signification du 11, c'est pas. Bon, en tout cas, j'aimais pas ça. La 11e, t'sais, date, là, la porte de l'abîme infini, puis ces affaires-là, t'es mieux de pas toucher à ça. On dirait ce monde-là qu'ils se pensent férus de toutes sortes d'affaires, puis ils comprennent même pas ce qu'ils font. Mais il y en a qui sont orgueilleux, qui n'ont pas la compréhension fondamentale des formes ésotériques auxquelles ils adhèrent. Eh non! Tu sais, moi, j'ai tout regardé ça avant de le rejeter. Ben, il y a du monde, je sais pas, c'est la vibration de la forme. Ils sont impressionnés. Impressionnés dans le sens d'une impression dans l'âme. Donc, ils sont assujettis à des formes, puis à des vibrations, parce qu'ils ne vibrent pas assez fort, eux autres. Ils ont Fait que. assez d'identité individuelle. Fait que, autrement dit, tu sais, l'un des scénarios, bon, dans les prochains mois, par rapport à la vaccination, les personnes âgées, les jeunes, les gens embarquent là-dedans, puis il n'y a pas trop d'effets secondaires. Puis même s'il y a des effets secondaires, il va y avoir une tournure qui va faire en sorte que finalement le narratif n'éclatera pas, j'ai l'impression. C'est ça que. Ben, on verra, OK. parce que je veux pas non plus considérer que c'est coulé dans le béton. OK. Parce que il y a des choses spéciales qui se passent des fois. Je veux dire, il y a des choses inattendues qui arrivent, puis il y a des surprises. y a souvent des surprises. Puis là, je parle pas au niveau de ceux qui décident des mises en scène, puis tout. Non, non, des surprises qui vont se produire au niveau en dehors de leur volonté. Ben, c'est ça, au Donc, niveau cosmique, les êtres éthériques peuvent créer des surprises aux êtres astrales qui ont un esprit de calcul. ben, c'est ça. Puis souvent, les gens qui travaillent à dominer sont dominés eux-mêmes sans le savoir. Oui. Puis quand que c'est, ils poussent la note trop loin, là, il y a de quoi de plus haut qui vient réguler ça. Fait que c'est difficile, ça peut aussi bien retourner. C'est ça que dans ce sens-là, je dis, je m'attends pas à, j'ai pas d'espoir, je m'attends pas à, mais je sais qu'il y a des lois d'inattendu au sens que dans ma psychologie puis ma perception, que j'ai pas nécessairement accès. Donc, par rapport là à tout ce qui peut se produire, il ne faut pas non plus sombrer de dire ben là, c'est fini. Là. Mais c'est clair qu'on s'en va vers des événements de fin de cycle. Mais la forme que ça va prendre, les formes que ça va prendre, ça, on ne le sait pas. Dans le sens que il y a tout le temps de l'imprévu. Il y a tout le temps de l'imprévu. Puis moi, j'aime bien gros les imprévus à ce niveau-là. Là. C'est là que je me dis, ah ben, au moins c'est intéressant. On est privilégié de voir ça. C'est la fin d'une civilisation. Dans le sens même, on s'en va vers la fin des affaires désuètes qui s'autodétruisent. Le fait qu'on est dedans, on n'est pas pour s'empêcher de s'instruire, là. Oui, c'est sûr qu'on est aux premières loges de ça. On peut en connaître un vécu expérimental. Par contre, le point que je voulais t'amener, c'est le fait qu'on est obligé de confronter avec une réalité sociale où il y a de plus en plus des mesures de contrôle, notamment par rapport au passeport. C'est sûr que tout comme toi, présentement, moi, je ne suis pas injecté. Je suis pas intéressé à l'être. Par contre, c'est sûr que dans les prochains mois, ben, je vais voir regarder qu'est-ce qui va advenir par rapport à la pression sociale. Tu sais, je me dis, si un jour on est obligé d'avoir le vaccin pour aller à l'épicerie, tu sais, à un moment Ouais, mais donné. si tu peux encore commander. Oui, c'est sûr que je vais probablement commander à ce niveau-là. Mais là, tu sais, il y a de l'inflation qui va se faire. Fait que c'est de voir, il y en a qui vont pouvoir commander, mais est-ce qu'ils vont avoir les moyens? C'est encore ça, c'est un autre aspect. On parle de la création d'une pénurie artificielle qui, Ben oui. présentement, est en train de se faire, puis il y aurait des récoltes qui auraient été détruites sciemment aux États-Unis. Ouais. Puis il y a aussi, vu que il n'y aura plus moi. Si tu fais ça comme ça, ben là, tout est tracé. Puis là, il y a des fonctionnaires qui retentissent. Puis où t'as pris ça, cet argent-là? Tu sais, mettons, là, quelqu'un qui est débrouillard, là. Puis là, il apparaît des fonctionnaires. Puis tu sais, là, à cette heure, toutes les transactions, ils vont laisser des traces. Puis là, il apparaît un fonctionnaire. Il dit, ça vient d'où, cet argent-là? C'est là que Ben oui, parce que ça. là, on veut numériser l'argent, entre autres avec l'identité numérique et le concept de portefeuille numérique, tu sais, où ce que là-dessus, tu as le permis de conduire, carte d'assurance maladie, tu vas avoir l'argent, carte avec la carte de crédit, débit. Fait que là, imagine quelqu'un qui paye pas à temps son renouvellement de permis de conduire à la SAAC ici au Québec. Ah ben, on va te bloquer ton identité numérique, tu n'auras plus accès, par exemple, à ton compte, ta carte de crédit. Ou je sais pas trop quoi. Là, pourraient bloquer certains éléments pour nous manipuler, puis Ben nous oui. surveiller en disant, ah ben toi, tu as été faire une transaction avec telle personne sur le marché noir, bon ben on va bloquer ton compte, puis là la personne ne peut plus aller à l'épicerie acheter une pinte de lait, tu sais. Mais c'est là que, au niveau là, d'être une tête de cochon, moi, ce que je veux dire d'être une tête de cochon, puis tout, parce que quand une forme marche plus, il transfère l'énergie dans une autre structure. C'est un peu comme à la fin de THX, il est en train de se sauver de l'espèce de complexe souterrain où il est enfermé, l'espèce de société qui vit dans la peur qu'à l'extérieur il y a des radiations, puis il y a des policiers robots qui essayent de le retrouver. Tu sais, il grimpe en arrière de lui, puis il dit revenez, monsieur, parce que tu sais, les policiers robots là-dedans sont tout le temps gentils en même temps qu'ils veulent t'abattre, là, ou ils sont en train de t'abattre en t'expliquant qu'ils sont fins. Ben, à un moment donné, il y a une fonctionnaire qui rejoint la machinerie puis qui leur dit, ben là, on a dépassé le budget au niveau des procédures qu'on pouvait allouer à forcer ce gars-là à revenir. Puis les policiers descendent. Ils disent, bon, ben, monsieur, revenez de vous-même quand ça va vous tenter. Ou revenez tout de suite si ça vous tente, parce qu'après, vous ne pourrez plus revenir. Puis là, ils se mettent à descendre, puis lui, finalement, il sort de tout ça. Puis là, c'est là que tu as la fin, là, tu vois un oiseau passer, puis tu comprends qu'il n'y en a pas de radiation dehors. C'était toute de la peur pour garder le monde en dessous. Donc, là-dedans, s'il y a toujours moyen de... C'est là peut-être qu'il va y avoir un test de savoir s'il y a une capacité à être créatif ou pas. Puis si les gens, au niveau d'une colère, ils vont être capables d'être créatifs avec, dans le sens d'intégrer leur énergie, puis d'être créatifs. C'est ça, là, le test. Dans le sens que l'espèce de souffrance expérimentale qui va découler de tout ça, est-ce qu'elle va être capable d'engendrer de la créativité qui va permettre de composer avec d'une façon créative, puis de se préserver le temps que ça dure. Parce que je pense pas, ils pourront pas maintenir ça pendant 60-70 ans, le système qu'ils sont en train de mettre là, là. Ça marchera pas. Je le dis depuis le début, ça marchera pas, puis c'est pas intelligent. Ça peut pas fonctionner parce que ça va contre les lois de la vie. Ça va contre les lois de l'évolution, mais ça va aussi contre les lois de la vie. Puis il n'y a pas juste ça, là. On est nous-mêmes sur... Il y a d'autres formes de vie, là, qu'on ne voit pas, qui nous entourent. Puis il y a plein de choses, il y a plein d'oppositions qui peuvent venir de plein d'endroits inattendus. Donc, Oui, exactement. Ouais. ça tient pas compte, ça tient pas compte de la multidimensionnalité des lois de la vie, là, ce qu'ils veulent faire. Donc, ça pourra pas se maintenir des siècles. Mais là, c'est est-ce que les gens vont avoir la capacité créative de se préserver au niveau de leur intégrité dans une identité centrique là-dedans assez longtemps? Je pense que oui. Puis il y a tout le temps Mais des inattendus. ouais, c'est ça, mais j'ai l'impression que ça va être très rare les gens qui vont être capables de pas sombrer dans le chantage ou la menace. Parce que présentement, au moment où ce que je te parle, je suis en contact avec une femme qui a refusé, c'est pas ma compagne, là, c'est une personne que je connais, de faire vacciner son fils. Puis là, bon, son fils peut pas faire de sport. Là, après ça, elle a reçu une lettre récemment, ben là. Si, dans le fond, il y a un cas d'éclosion en classe, ben, on envoie les enfants non vaccinés, il faut qu'ils restent chez eux 2 semaines. Puis là, elle, si, elle est obligée de rester 2 semaines à chaque fois qu'il y a un cas où ce qu'on pense peut-être que son fils est atteint, ben là, à un moment donné, elle va épuiser ses congés, à un moment donné, ça va nuire à son travail, peut-être qu'elle va perdre son travail. Fait que là, on fait de la menace, des chantages auprès des parents pour forcer l'injection des jeunes. Et il y a toujours une façon d'essayer de manipuler puis récupérer les gens, tu sais. C'est ça qui est Mais il y en a pernicieux. qu'ils le savaient d'avance puis ils se préparaient. Ils savaient pas que ça prendrait cette forme-là. Mais ils s'étaient déjà arrangés pour être indépendants du système. C'est là qu'il va y avoir. Tu sais, quand ça dit beaucoup d'appelés puis d'élus, c'est pas parce que t'es pas d'accord que tu vas avoir la capacité de résister. À un moment donné, il y en a, ils vont faire des choix parce qu'ils vont être dans l'illusion de faire un choix parce qu'ils vont être forcés par le contexte à faire un choix. Mais c'est comme dernièrement, souvent il y a un chat que je croisais, puis quand je le croisais, je disais bonjour. Puis à force de dire ça, le chat il est rendu, il vient ici, il veut manger. Fait que je me suis mis à acheter de la bouffe à chat, puis je le nourris. Mais l'affaire, c'est que je veux pas en prendre la charge totalement, parce qu'ici, il y a une loi, un règlement municipal qui force à pucer les animaux. Puis j'ai pas envie de faire pucer le chat. Fait que ce que je fais, c'est que j'aime autant qu'il soit libre. J'aime autant qu'il soit libre, qu'il me fasse sa vie de chat, qu'il fasse toutes ses affaires de chat, là, détruire la faune, puis faire sa vie de chat. J'ai rien contre la vie au sens où, en tout cas, parce qu'il y en a qui trouvent que ça. Puis même, puis j'aime autant ça que de le faire pucer. J'aime autant qu'il soit en danger, peut-être, qu'il puisse y arriver malheur, que de le faire pucer. Non, je comprends. Fait Fait que, que ouais. j'aime autant que, tu sais, ça me dérange pas qu'il se fasse. Au moins, il va avoir fait sa vie. Mais là, est-ce que les gens vont être capables de respecter leurs enfants au point de peut-être à être, en guillemets, responsable avec, je le sais pas. Parce que moi, c'est clair que je préférerais que de pas faire. En tout cas, je vais être obligé de te laisser, il faut que j'aille dîner. Non, c'est bien correct. Donc, on va compléter l'enregistrement là-dessus. Écoute, ce que je veux faire, c'est te remercier comme à l'habitude là, pour le temps de te consacrer à cet entretien. Je rappelle aux gens qui ont intérêt, là, qui ont envie là, de voir de tes vidéos, qui peuvent aller sur ta chaîne et que tu es extrêmement prolifique et actif ces temps-ci. Tu fais pas mal des vidéos à chaque semaine. Ouais, pas tout le temps. En tout cas, t'en fais quand même assez régulièrement. Et sinon, je voulais mentionner aux gens qui ont apprécié là, la vidéo présente et plus particulièrement mes activités de diffusion web que vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et Interac, en vous mentionnant naturellement que les contenus que vous entendez ici, vous l'avez compris, vous ne retrouverez pas ça sur les médias de masse comme Radio-Canada ou TVA. Donc, Berthold nous offre le privilège de nous donner des propos qui sortent de la boîte, qui nous sortent de la mentalité puis le narratif officiel. Et je le remercie vraiment, là, sincèrement, là, d'avoir cette générosité de parole. Mais pas de quoi. Bon, ben, Bonne excellent. journée. Fait que à bientôt. Bye bye. Bye.